Donc aujourd'hui, donc le CIRA est un centre d'archives, mais donc on centre d'intérêt c'est le livre, bien sûr, mais pas seulement, on s'intéresse aux journaux, aux brochures, à tas de choses. Et chaque mois, en principe, on essaye de faire une causerie autour d'un livre, donc ça peut être aussi un sujet d'actualité. Donc là, on a le plaisir de recevoir Olivier Oulès, on l'a accueilli parce qu'il est venu faire des recherches au CERA qui l'ont servi pour le bouquin. Il nous en dira plus. Donc Olivier est agronome et a fait des études de lettres, donc il mélange les deux, l'agronomie et la littérature. Et il y a quelques années, il a fait ce livre, là, c'est un thriller historique, c'est sur l'histoire du vin à Marseille. Et donc aujourd'hui, c'est pour nous parler de ce livre, vous n'avez pas fini avec le bonheur. Donc c'est un roman assez foisonnant, tenir d'un fait d'analyse qui est sur le site d'Olivier, d'ailleurs. Et ce qui nous a intéressé, ce qui a intéressé Olivier, c'est pour ça qu'il est venu au CIRA, c'est qu'il y a une partie du roman qui se passe en Espagne pendant ce que certains appellent la guerre civile et qu'on appelle plutôt la révolution, puisque ça a été un bouleversement complet de tas de choses, dont l'économie. Et bon, ce que j'ai pas dit, c'est que tu étais dans le mouvement d'économie solidaire, le mouvement coopératif. Notamment, tu es directeur de la Fédération des caves coopératives des Bouches-du-Rhône. Donc, le débat va être sûrement très intéressant, parce qu'on va aller de 36 à aujourd'hui. Quelles sont les différences? Il y en a forcément. Et voilà, je te laisse la parole. Merci Philippe, et merci pour cette présentation. On va aller même un peu loin que 36, parce que ce dont je vais vous parler tout de suite, c'est l'histoire de la coopération. Alors, c'est des coopérateurs, on avait titré ça avec Tony, coopérateurs en fin des révolutions. En fait, il faut monter beaucoup plus loin pour comprendre le mouvement coopératif, et je vais vous en parler, mais je tenais dans un premier temps, bien entendu, à remercier Philippe, l'équipe du Centre international de recherche anarchiste ici à Marseille, et Tony en particulier, parce que c'est vrai que ça a été le premier contact, et ça a été un contact... parce que je sais pas, alors il s'en rappelle peut-être pas, mais si, je suis sûr qu'il s'en rappellera, parce qu'il est monté derrière l'icône pour me chercher une étude que j'avais sollicitée sur la tragédie du port d'Alicante, parce que la révolution ou la guerre civile d'Espagne, comme toutes les guerres, se termine un jour, et le dernier jour de cette guerre se termine à Alicante, où 40 000 républicains se retrouvent dans une impasse, et c'est une fin tragique, et c'est comme ça d'ailleurs que s'intitule le mémoire que j'étais venu rechercher et qu'on retrouve uniquement, alors qui a été produit par une université à Nantes, mais qu'on retrouve uniquement au Centre anarchiste ou à Lausanne, et j'ai eu la chance de savoir qu'il y en avait à Marseille, parce que je ne savais pas jusqu'à présent qu'il y avait cette bibliothèque ici, et j'ai été vraiment. Je suis tombé amoureux, on va dire, de à la fois du lieu et des personnages ici qui comblent la bibliothèque. Honnêtement, voilà, ça a été beaucoup de plaisir, et pour moi aussi de détruire une image que j'avais de mouvement anarchiste, et en particulier des anarchistes, où on voit toujours l'espèce de caricature violente. Et j'ai bien compris ici qu'on était loin de ça, et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la rédaction de ce roman. Alors, excusez-moi, si j'ai des trous, c'est simplement parce que j'ai laissé le support avec lequel j'étais venu et qui se retrouve dans ma voiture, mais qui est assez loin maintenant, donc je ne vais pas courir le chercher, et je vais essayer de faire tout ça de tête. Donc il y aura peut-être des allers-retours, et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des vides. Moi je suis le directeur de la Fédération des caves coopératives des Bouches-du-Rhône, qui regroupe les 17 caves coopératives du département, qui a été créée à la fin des années 60, mais dans le mouvement de la coopération viticole, elle, on va dire, est structurée à partir de 1932, donc même avant l'époque dont on parle dans le roman. Ceci dit, quand on veut aborder ce que moi j'appelle la folle histoire de la coopération, parce que quand même c'est une histoire folle, il faut peut-être d'abord se baser sur ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, le mouvement coopératif représente 1 milliard de coopérateurs dans le monde, 200 millions d'entreprises coopératives et 250 millions de salariés. C'est d'autres mouvements quand même conséquents qui nous regroupent tous, et je dirais à la fois presque anonymes. Pendant des années, on est passé à côté, on a presque oublié ce que c'était la coopération. Des fois même, on n'a pas été fiers d'être coopérateurs, dans certains, en particulier dans les coopératives agricoles, où c'était presque, on avait une mauvaise image, une image qui était archaïque. Parce qu'on se basait sur un principe simple, et c'est justement ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, c'est que la coopération, c'est autre chose qu'une économie d'échelle. C'est pas ce que je veux dire, c'est presque secondaire. En tout cas, pour moi, c'est très secondaire le fait de se mettre ensemble crée une économie d'échelle. Ce qu'il y a, c'est le cœur qui bat derrière ça, et donc de vous dire que c'est surtout une entreprise basée sur les hommes et pas sur les capitaux. Et donc elle fait partie à ce titre des économies sociales et solidaires. Elle en représente parce que 70% des économies sociales et solidaires, c'est des entreprises coopératives. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et quand on est dans la coopération, des fois, on l'oublie aussi. Parce que nous, dans la coopération agricole, la coopération viticole, je vais en parler souvent, hein, je vais reparler de ça, mais il y a toute une série de... Les coopératives ne s'arrêtent pas à la coopération agricole, même si un agriculteur... Trois agriculteurs sur quatre sont adhérents d'une coopérative. C'est quand même assez conséquent, hein, trois agriculteurs, 75% des agriculteurs sont adhérents, sont aujourd'hui coopérateurs. Alors, à titre de CUMA, donc de coopérative d'utilisation de matériel agricole ou autre, mais donc voilà, c'est un mouvement important. Mais pour parler de la coopération, il faut remonter en fait aux origines, et les origines à 50 millions d'années. Alors, c'est peu par... J'aime bien remonter loin pour arriver à bien comprendre les sources des choses, mais... C'est parce que 50 millions d'années, c'est l'apparition des primates. Et avec l'apparition des primates, il y a une chose qui est apparue, c'est le fait qu'on se protège entre nous. Et donc, qu'on va s'entraider. Pourquoi on s'entraide? Pourquoi les primates se s'entraident? Parce qu'on a un cerveau développé, mais le problème, pour le temps qu'il se développe, le corps, lui, il met un peu plus de temps. Et donc, on a besoin de protéger nos nourrissons. C'est le cas encore aujourd'hui. Et ce fait-là fait qu'on va s'entraider à la naissance. Et les adultes vont aider donc le petit, mais vont s'entraider pour que le petit se développe dans le principe simple de la reproduction de l'ensemble des espèces. Hein, on va dire au départ, ce n'est que ça. De 50 millions d'années, je vais aller assez vite quand même. On ne va pas faire année par année pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais simplement, revenir après à une autre période qui est la période de la création des premières civilisations. Et quand on est à peu près il y a on va dire 10 000 ans, un peu plus de 10 000 ans de ça, après la glaciation de Wurm, mais quand en Mésopotamie vont se créer les premières civilisations, alors que j'ai pu au passage, je vous en parlerai normalement pas de ce deuxième bouquin, la première carte, mais qui raconte l'histoire du vin, et l'histoire du vin est extrêmement influencée, enfin, ou du moins liée à l'histoire de l'homme et l'histoire du développement des civilisations. Voilà, si ça vous intéresse, on pourra en parler en aparté, mais j'ai trouvé ça très fabuleux, et le fait que ce soit ici à Marseille et qu'aient été plantés les premiers vignobles de notre pays, on l'oublie trop, beaucoup de Marseillais l'ignorent, et pourtant c'est ici que l'histoire du vin en France a commencé. Donc il y a 10 000 ans, puisqu'on s'est créé, on avait déjà des formes tribales, et on a continué sous cette forme-là, qui était une forme relativement simple de co-organisation ou d'organisation. C'était simplement, il y a un chef. Il y a un chef des tribus, et tout va s'organiser sous une forme hiérarchique. Et de façon naturelle, chez les primates, mais pas que, de façon générale chez les animaux, tout s'organise de façon hiérarchique. Or justement, ce qu'on va démontrer au travers de la coopération, c'est que c'est un mouvement où il n'y a pas de chef. Alors vous me direz, il y a un président, on va en reparler si vous voulez, mais le président n'a aucune priorité sur les autres. Lors de l'Assemblée Générale, et c'est le premier des principes coopératifs, c'est que c'est un homme, une voix. Alors moi j'ai parlé d'ITI, mais on peut parler d'autres types de coopératives. Qu'il ait 20 hectares, qu'il en ait 2, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit grand ou petit, peu importe, le président n'a pas plus de voix que les autres coopérateurs. Qu'il soit femme ou homme, bien entendu. Voilà, c'est peut-être dans la viticulture, on a un peu de mal avec ça pour les sables, mais ça vient, on a une présidente effectivement d'une cave coopérative à Roquefort-la-Vézoule qui est présidente. C'est peut-être. L'inversement, ce que vous comprenez bien, c'est qu'on comprend qu'il faut s'organiser, les primates se sont entraînés, les hommes se sont entraînés, mais que la coopération va inverser un petit peu la donne, le sens où on va essayer de se mettre tous à même niveau, tous à égalité. Et ça, c'est le principe de base, c'est le principe fondateur. Enfin, moi, je trouve que c'est le principe fondateur, même s'il faut attendre les pionniers de Roald au milieu du 19e siècle pour évoquer cette période, pour arriver à écrire ce principe dans les statuts des pionniers de Roald. Le titre, c'est les révolutions. Alors, je vais arriver assez rapidement à la révolution. Enfin, le coopérateur en fin des révolutions, je vais arriver assez rapidement à la Révolution française, parce qu'elle est fondatrice de beaucoup de choses. Mais avant ça, il faut aller en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est un bouillon de manifestations, de pensées, de réflexions qui se mettent en place. Alors, avec la Révolution industrielle, et c'est pas neutre, hein, le fait que la Révolution industrielle, parce que aussi les ouvriers vont devoir s'organiser, et l'organisation des ouvriers, c'est autre chose que l'organisation des paysans. La France, il faut se rappeler, à la fin du XVIIIe siècle, elle a plus de 80% paysanne, donc rurale. Et quand je dis 80%, je pense qu'on peut même rajouter quelques pourcents. De toute façon, le peuple est pour le tiers-état, pour son ensemble, dans les campagnes. Mais donc, en Angleterre, il y a au moins deux personnes qui, à mon avis, sont intéressantes. C'est Thomas More, que vous devez connaître par son roman Utopia. Utopia, donc, qui veut simplement dire pas de lieu qui n'existe pas, utopie, hein, donc utopie de topos, de toponymie, qui veut dire qu'il n'y a pas de lieu. Et il a critiqué la société anglaise, mais il aurait pu le faire pour les autres sociétés européennes de l'époque. Hein. Il a critiqué, donc c'était en 1500, au milieu du 16e, sous une forme, dans un lieu qui va réinventer. Et donc il va réinventer aussi une nouvelle société à partir de là. Et quelque part, l'utopie, c'est aussi ce qui va nous fonder les coopérateurs, vous allez le voir dans le futur. Et j'avance encore presque d'un siècle pour arriver à un autre auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Plocoy. Je ne sais pas si ça s'écrit. P-L-O-C-K-O-Y. Et Plocoy, il écrit un essai. Alors l'essai, évidemment, si j'avais le support sous les yeux, ça serait plus facile, mais c'est l'essai pour rendre les hommes heureux en créant une mini-république. L'idée pour lui, c'est déjà, Plocoy, donc on est 1670, fin du 17e, et lui, son principe, c'est de dire, mais si on met les gens ensemble et qu'ils essayent de se débrouiller entre eux, finalement, ils vont arriver vraiment à faire des choses beaucoup mieux que si on conserve le principe monarchique sur lequel on vit. Pour rappeler quand même que l'Angleterre a quand même une révolution parlementaire qui anticipe la nôtre, qui anticipe la révolution française. Mais je trouve assez fabuleux ce truc, d'ailleurs, de mon titre, certainement Le Bonheur, mais un peu aussi de ce titre même de l'essai de Plocoy. Je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus. Et Thomas Piketty l'avait évoqué il y a quelques temps dans une des chroniques qu'il rédige dans Le Monde. Et j'avais trouvé ça sympa de le retrouver, parce que je crois que ça méritera dans le futur d'attendre de parler de Plocoy, de son essai pour rendre les gens heureux. Alors évidemment, rendre les gens heureux, c'est un peu étonnant, mais en tout cas, c'était son principe. Et quelque part, c'est un peu ça qu'on va rechercher. C'est un peu ça qu'on va rechercher dans les utopies dont je vous parlais tout à l'heure. Mais avant ça, donc, on est à la Révolution française, et quand la Révolution éclate, on va, suite à la Révolution, venir dans cette effervescence, rechercher le système sur lequel on va se baser. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut pas reproduire le système monarchique, mais après, qu'est-ce qu'on fait après? Il n'existait que ça, je veux dire, il n'existait que simplement un chef et des vassaux, ce qu'on expliquait dans les tribus, avec le chef tribal et puis le reste. On n'avait pas réinventé autre chose. Donc ce qu'on veut réinventer, c'est une nouvelle société. C'est, enfin, on veut inventer une nouvelle société, mais on ne sait pas trop sur quoi la baser finalement. On a bien compris en Angleterre, je vous parlais bien, il y a la mise en place du Parlement, mais à part ça, on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place. Bon, Lafayette quand même a aidé aussi la Révolution américaine, donc le général Lafayette va aider un petit peu dans la réflexion. Mais il y a plusieurs principes qui vont se mettre en place, je dirais, même si c'est anachronique, vous m'excuserez, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite. On va dire l'extrême droite, ça serait le système monarchique, lui, on l'oublie. L'extrême gauche, ça sera Krapus-Babeuf. Quand Krapus-Babeuf propose, plus de 50 ans avant Proudhon, que la propriété c'est du vol, et que de dire créons une société sans propriété, bon, ça ne lui portera pas beaucoup chance parce que tous les babous viennent de. Donc c'est en 1794, je crois, que Babeuf fait ses propositions et qu'il essaie de le mettre en place et que ça crée une espèce d'émulation. Et finalement, Babeuf, à cette époque-là, il finit sous la guillotine et comme l'ensemble des babous viennent de son époque. Voilà, on a levé l'extrême droite, on avait levé l'extrême gauche, il reste quelque chose qui va se baser plus au centre déjà. Et comme vous le savez, finalement, si c'est le tiers-État qui gagne la révolution, qui tient la révolution, c'est les bourgeois qui vont la gagner au final, cette révolution, parce qu'ils ont les capacités que le tiers-État n'a pas, et en particulier, ils savent lire et écrire, et nous, on ne sait pas, enfin, je me mets plutôt du côté du peuple que des bourgeois, en tout cas, à cette époque-là. Les paysans, bien entendu, sont simplement, ils écoutent quoi, ce qu'on leur propose et en disant qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se mettre en place, mais pas tout, qu'il faut y aller doucement, certainement. On entend ça encore aujourd'hui, hein, je veux dire, on entend ça, c'est ce qu'on va reproduire là, c'est des modèles qu'on reproduit à travers l'État, c'est d'ailleurs à désespérer un petit peu de notre humanité des fois, de voir que malgré les erreurs qu'on a pu produire, on les reproduit encore dans le temps. Donc, on est en 1794, et en même temps que Babeuf perd sa tête, il y a un député breton qui s'appelle Le Chapelier, ça vous dit quelque chose ? Et qui va lui interdire les regroupements, de façon générale. En fait, ce qu'il va interdire, surtout, c'est les corporations. Son idée, c'est d'interdire les associations corporatistes. Avec un principe simple qui est de dire c'est la liberté individuelle. C'est les droits de l'homme, finalement, hein, c'est de dire c'est la liberté individuelle. Mais en fait, ça les arrange super bien pour, au départ, les bourgeois, la liberté individuelle. Et c'est quelque part un peu le libéralisme. Hein, quand je reparlerai un peu de liberté économique, on va parler de Lamartine un petit peu. C'était vachement pratique, cette idée-là. Quoi. En fait, la liberté individuelle, c'est bien, parce que ça conforte quand même ceux qui sont déjà puissants, en laissant ceux qui sont sur le bord de la, enfin, ceux qui sont affamés sur le bord de la route. Et en effet, la liberté individuelle, bah, ça a aidé à certains, mais pas à la majorité. Donc Le Chapelier, quand il édicte la loi Le Chapelier, le suit le décret d'Allard, décret et loi qui arrive dans le même principe, et on va dire qu'il va falloir 100 ans pour arriver à ce qu'on puisse avoir une forme coopérative ou au moins associative qui soit organisée. Et il va falloir la Troisième République, on va dire à la fin de Napoléon III, quand il aura des soucis avec des bourgeois, justement, sur des problèmes d'échanges commerciaux avec l'Angleterre à la fin de son empire, pour retrouver le sens d'une forme organisée et officielle de ce que pourrait être la coopération. Et là, il faut bien se dire que, alors je vais essayer de regrouper quelques éléments que j'ai apportés tout à l'heure, en particulier quand je parlais de Thomas More et de l'utopie. Et là, à partir de là, on va dire que peut-être suite aux frustrations qu'on peut avoir ou qu'ont eu certains mouvements socialistes, alors, il faut toujours être mesuré mesuré quand je parle des bourgeois, c'est aussi des fois, je le dis de façon large, mais il y en avait dans ce groupe-là et dans les personnes qui étaient lettrées, des personnes qui voulaient le bien de tous. Et en particulier, des personnes dont je vais vous parler maintenant, ces personnes-là viennent essentiellement, ont eu une éducation, ont eu une formation qui était proche certainement de la majorité des bourgeois, mais qui dans leur tête avaient envie de faire le bien pour tous. C'est une apathie, je sais pas, c'est au la naturelle, si c'est dans les gènes, enfin, en tout cas, c'était le cas, quoi. C'est arrivé pour eux. Et en particulier pour Charles Fourier, que vous devez connaître également, et avec son phalanstère. Parce que maintenant, on va arriver. Enfin, je vais m'attaquer le 19e siècle dans ce principe-là d'une société, de socialisme utopique. À défaut de pouvoir mettre en place des choses, en tout cas, on va les rêver. Et d'où le rapport avec Thomas More et avec l'utopie, parce qu'on va les rêver, on va les inventer, on va les imaginer. C'est ça qui va se passer avec Fourier, qui va être un penseur extraordinaire, qui va être un philosophe, un économiste aussi. mais qui ne va jamais mettre en place ce qu'il a écrit. Contrairement à d'autres dont je vous parlais tout à l'heure, et parce qu'il y a deux têtes de pont de la coopération qui sont Fourier en France et qui sont Robert Owen en Angleterre. Et Fourier, lui, va être un grand penseur, mais en fait, il ne va jamais arriver à mettre en place ses idées. Mais son idée était fabuleuse à Fourier. C'était de dire, mais nous travaillons. Le travail ne doit pas exister en dehors de la passion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on va pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas travailler, on va simplement travailler, en tout cas, si travailler, c'est le mot, travailler qui vient de torture, donc vous le savez, mais donc on va oublier l'étymologie du mot travailler, mais en tout cas, on va être actif dans ce qu'on aime. Et donc, l'idée, c'était de composer, alors je crois qu'il y avait 1200 loges ou tout comme ça dans son phalanstère. Le phalanstère, en fait, c'était un grand bâtiment. En forme de U, voire même au carré, avec une cour intérieure. Et chacune des loges représentait un métier, entre parenthèses, un métier, et la deuxième parenthèse, une passion en l'occurrence. Et celui qui a envie, qui aime les chevaux, il va s'occuper des chevaux, le ferronnier va s'occuper du fer, chacun va trouver le jardinier, chacun va trouver finalement là-dedans ce qu'il aime, et vont créer ensemble une communauté. Quand je parle des communautés avec Fourier, autant elles se sont mises en place, autant on avait déjà l'idée de communauté, en particulier en Angleterre, qui avait déjà des communautés, alors que j'ai lu comme coopérative. Alors coopérative, ça ne me plaît pas trop parce que le terme a été inventé après par Owen, donc je ne pense pas que ce soit le terme juste en tout cas qu'il fallait utiliser. Mais donc on est avec Fourier, avec son idée, on est juste avant la révolution de 1830. Ça n'a pas trop de rapport d'ailleurs avec la révolution de 1830. Il y a évidemment deux révolutions qui vont marquer l'histoire de la France au moins autant que la révolution de 1789, qui sont la révolution de 1830 et de 1848. Et peut-être après celle de 1870 avec la Commune. Mais je ne sais pas, j'ai un peu de mal des fois. Enfin, je me dis que de toute façon, ça a aidé à mettre en place le système coopératif dans le temps. Parce qu'à chacune des révolutions, on a gagné un petit peu, en particulier à celle de 48 quand même. Mais chaque fois, on a rajouté un petit peu en pensant bien qu'on allait construire ce mouvement social qui reste un mouvement utopique, mais qu'il va falloir travailler avec le temps. Donc Fourier, avec son phalanstère, c'est un truc géant. Alors il avait créé des plans, vous pouvez voir les plans en tapant sur Internet phalanstère, vous verrez les plans de ce truc-là. C'était fabuleux, c'était un passeur extraordinaire. Et il avait une marotte, c'est qu'il s'asseyait, il disait toujours ceux qui veulent créer, ceux qui veulent donner de l'argent pour que je crée le phalanstère, il s'asseyait tous les soirs au même restaurant, au même endroit, il mangeait seul, avec le principe de se dire si quelqu'un veut s'asseoir à côté de moi, il s'assiera à côté de moi et il viendra vous parler financement de mon phalanstère. Bon, c'était vraiment quand même un utopiste quoi, jusqu'au bout, ce gars. Je trouvais assez génial. Il y avait des gens qui s'asseyaient à sa table. Et non, il y avait malheureusement, il n'y a jamais personne qui s'est venu s'asseoir à sa table pour créer ça. Par contre, à côté de lui, en Angleterre, les choses seront beaucoup plus évoluées parce que Robert Owen a quand même des moyens, lui, justement. Robert Owen était un homme du textile, de l'industrie textile. Et finalement, ça viendra de ces personnes-là qui avaient de l'argent et qui ont pu, si on veut dire, on a progressé. C'est justement grâce à ces personnes qui avaient un peu de financement que les choses ont pu se faire. Et Robert Owen, lui, il n'était pas seulement un penseur, bien qu'il y ait été, et qu'il était assez philosophe. Robert Owen, il avait aussi donc, des capacités financières, et il était chef d'entreprise, et donc il savait ce que c'était que de monter une entreprise, des difficultés qu'on pouvait rencontrer, parce que c'est facile de parler, de passer, mais à un moment donné, on se retrouve devant les fêtes accomplies, il faut le mettre en place. Et lui était donc chef d'entreprise, et il est arrivé à... alors, au début... Le mouvement politique s'est intégré, on va dire, à la réflexion globale qu'il pouvait y avoir en Angleterre à cette époque-là, en se disant on va essayer de modifier la société. Et juste par rapport à Robert Owen, il faudrait que tu mentionnes le mot Écosse quand même, parce que c'est là où il veut dire où ça se passe. D'accord, j'ai dit en Angleterre peut-être, c'est ouais, ça ouais, ouais. Ok. Bah, bon, voilà, c'est top. D'accord, merci de préciser. Alors, comme je voulais préciser, j'ai pas forcément mes notes et qu'il y a peut-être des choses dans ce que je vais dire qui. Ouais, non, c'était Glasgow, puis en fait, il a influencé la chose après, particulièrement en Écosse. C'est au sud de l'Écosse et ça se visite d'ailleurs, ça relève. Ouais, ça à Lublin. J'ai eu la chance de. Ouais, ouais, ça se fait toujours, ouais. Le lieu de la Ça a été restauré sur le patrimoine de l'UNESCO. Ouais. Okay. Vas-y, reprends ce qu'il y a à droite. Oh ouais, non, mais merci pour les précisions. Au contraire, on est dans une causerie, vas-y Tony, et donc dans un débat. Si on peut apporter des éléments, n'hésitez pas, bien entendu, à rajouter. Ça pourra d'ailleurs revenir dans tes informations en parallèle de ça. Mais Owen, il va créer ce qu'on appelle, je ne sais pas comment, mais pour moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, surtout, c'est la cité du bonheur. Il va créer des communautés. Il va créer les cités du bonheur, et les cités du bonheur qu'il va devoir mettre en place, non pas en Écosse, mais aux États-Unis, en Amérique. Parce que, évidemment, on va lui interdire, finalement, son mouvement, on le sent bien, il y a un ferment, quelque chose qui peut poser des soucis à l'establishment anglais, et à l'occurrence, il va devoir s'exiler. Il va devoir exiler ces cités du bonheur, et quand je mon titre, vous n'en avez pas fini avec le bonheur, bien en particulier de ça, parce que un des héros, enfin, ou du moins à l'origine, je remonte ça, vient justement des États-Unis. Et il a d'ailleurs aux États-Unis ce même principe-là de communauté. Alors ils vont former des communautés, et des communautés assez libertaires. À tel point libertaire que ça posera des problèmes d'ailleurs dans l'évolution de la société. Et la deuxième, et ce qui est étonnant, c'est que la deuxième génération est encore plus libertaire que la première. Elle veut encore plus changer le paradigme. Et au final, ça se passe très mal parce qu'ils sont obligés de fermer la communauté parce qu'il y a des bagarres, enfin, des rixes, et je sais pas comment ça se passe au bout, mais ils sont obligés de toute façon de quitter les États-Unis. Et donc d'être rapatrié, mais c'est le premier à inventer le terme coopération, et c'est de là que vient le terme coopératif et les entreprises coopératives. On est entre 1830 et 1848 avec Owen, et là il est important pour nous après de replacer les choses un petit peu avec d'autres personnes qui vont faire évoluer le mouvement coopératif. Même si on va dire que c'est pas le mouvement coopératif à l'époque, limite c'est pas quelque chose qu'ils connaissent ou qui a pas d'importance en France. Et il en a un peu plus à faire en Allemagne, en Angleterre, ça commence à prendre une certaine... on commence à en entendre parler de cet esprit coopératif, de se mettre ensemble, se regrouper, alors, beaucoup sous forme communautaire, peu encore bien entendu sous des formes entrepreneuriales. Mais avant de repartir en Angleterre, parce qu'il faudra repartir cette fois à Manchester et à Rochdale, parce que si vous êtes allé par le coin, vous êtes allé jusqu'à Rochdale. J'aimerais revenir sur un personnage qui est à la fois fabuleux parce que c'était un excellent, enfin, un très bon poète, moi j'apprécie beaucoup Alphonse de Lamartine, et parce que il avait une phrase que j'aimais beaucoup et qui éclaire un petit peu aussi mes propos, qui sont sur le libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté aux riches de le rester et aux pauvres de mourir de faim. Et on est avant 1848. Lamartine, il a quatre châteaux. C'est fait partie des bourgeois et presque casino. Enfin, il y a des châteaux, j'imagine, qui étaient à la limite de la noblesse. Mais voilà, ce gars-là, il avait l'esprit ouvert. Et quand on parle du libéralisme aujourd'hui, j'aime souvent me rappeler de ça. On est un siècle et demi après, presque 200 ans après, et je pense que ça vaut toujours sa citation sur le libéralisme. Il faut toujours faire attention quand on parle de libéralisme, c'est effectivement la liberté individuelle. La liberté individuelle, souvent, le cache simplement le fait que certains sont bien dans la société et s'approprient finalement les richesses comme elles sont réparties aujourd'hui. Lamartine va être un fort défenseur d'une égalité des peuples. Il va perdre les élections. Les premières élections de la Seconde République, comme vous le savez, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui va gagner les élections en 1848. C'est la réaction. Je ne sais pas si les élections sont faites dans la loi aussi en 1848. Puis après, il fera le coup d'État en 1952. Mais donc, ce mouvement-là de personnes comme Lamartine, je le trouve assez fort, et dans la coopération, il ne faudra pas l'oublier, parce qu'en particulier, il n'est pas un défenseur du président de la République. La Seconde République n'embrasse la présidente de la République, mais jamais les républicains, au départ, avaient imaginé d'avoir un homme fort. C'était justement ce qu'on ne voulait pas, c'était avoir un homme fort. Et que ce soit les révolutionnaires de 1789, comme ceux de 30 ou ceux de 48, ils n'avaient certainement pas idée de mettre en place quelqu'un qui ait plein pouvoir. Et quelque part, il n'a pas plein pouvoir, ok, d'accord, on n'est pas dans un mouvement dictatorial, il faut mesurer ses propos. Mais aujourd'hui, le président de la République est plus encore dans les années qu'on vit aujourd'hui, on voit bien a quand même une importance forte. Et lui, il va défendre l'idée qu'il ne faut pas aller vers une présidence de la République. Je trouve ça bien parce que c'est un petit peu... Alors on va parler après des présidents des coopératives parce que c'est important, mais vous bien comprendre la différence entre ce qu'est aujourd'hui le président de la République et ce que nous, on imagine en tant que président d'une entreprise coopérative, qui n'est pas le même principe. Il ne va pas être spécialement pour aussi le suffrage universel. Là, ça peut être surprenant, parce qu'on peut se dire, ben oui, mais ça serait bien d'être tous égaux dans le suffrage universel. Heureusement, on l'a gagné pour les femmes un peu plus tard, malheureusement, mais il a fallu du temps, mais ça y est. Et c'est d'ailleurs en Espagne qu'on va commencer la guerre civile d'Espagne, que vont être les premières élections ouvertes aux femmes en 1933. 33, merci, parce que j'avais plus c'est bien, oui, il y en a qui suit. C'est sympa, merci. Parce qu'en fait, le suffrage universel, c'était une tromperie finalement. C'était relativement. C'est ce qui s'est passé en fait. Dans les élections, donc il y a eu le suffrage universel, aux élections de 48. Et pendant ces élections-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait voter tout le monde. Seulement, on ne savait pas lire. Et ceux qui tenaient le bureau de vote, c'est eux ceux qui savaient lire et qui savaient ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, c'est la croix, il fallait la mettre au bon endroit. Alors il y avait ceux qui étaient, on va dire, les plus trompeurs et qui ont fait signer à des endroits qu'on ne souhaitait pas, et puis il y en a d'autres qui ont simplement expliqué que le meilleur parti c'était celui-là et que donc il valait mieux signer là. Et donc c'est Louis Napoléon Bonaparte qui a gagné les élections comme ça. Alors que la révolution de 1848 a été vraiment une très bonne réussite, les associations ouvrières avaient été bien mises en place. Il y a eu pas mal de choses, alors j'ai des choses en tête, mais je sais qu'à cette époque-là on parle, et il y a un décret qui évoque en 1848 le fait de mettre en place des associations coopératives. Et donc quelque part on était proche d'abandonner la loi Le Chapelier, mais il faudra 50 ans après pour l'abandonner, encore un peu, il va falloir attendre. Parce que finalement, quand Napoléon Bonaparte va faire son coup d'État, il va abandonner un certain nombre de mouvements sociaux. Il y en a d'autres qui l'ont réussi, au passage, il faut faire attention, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y en a d'autres, en particulier l'abolition de l'esclavage, il faut rappeler que cette époque-là, et qu'il a maintenu. Qu'il y a eu aussi une belle évolution de la société sur les aspects industriels qui ont été mis en place. Mais dans ce qu'avait sollicité Owen, on est loin, et en particulier Owen, ce qu'il va solliciter, c'est les 3-8. C'est pas les 3-8 24 heures sur 24. Hein. Les 3-8, c'est 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Et ça, je trouve ça fabuleux, parce que je veux dire, on y est aujourd'hui. Et que maintenant, il faut aller plus loin. Quoi. Ce qu'on a simplement oublié aujourd'hui, c'est qu'il faut aller un peu plus loin que ça. On l'a oublié depuis quelques temps. Je pense que les Américains nous ont pas aidés à ça, mais bon, enfin. On va quand même avancer dans le temps pour dépasser 1848. Quoi qu'encore, il y a aussi quand même il y a au moins deux penseurs qu'on ne peut pas oublier, vous moins que les autres. Il y en a un qui est Karl Marx, c'est à cette époque-là qui va rédiger son manifeste. Il a un avis très avancé sur la coopération, et puis il y en a un deuxième penseur, c'est Bakounine. Mais je vais rester sur... parce que Bakounine, excusez-moi, je connais moins, donc je ne veux pas dire de bêtises, vous les connaissez beaucoup mieux que moi, donc vous serez mieux en situation d'en parler. Mais Marx, il a un avis tranché. D'abord, l'idée pour Marx, c'est la lutte des classes. Or, le premier principe de la coopération, le premier principe, je crois, c'est l'égalité, super, c'est indéniable. Le deuxième principe, s'il y en avait un que je mettrais en deuxième, c'est le pacifisme. La coopération se veut un exemple, elle ne se veut pas imposer un mouvement. J'aime bien que ça peut, on peut imaginer que c'est complètement. Là aussi, c'est complètement utopique, d'accord. Mais quelque part, c'est, en tout cas, c'est le principe des principes de la coopération, c'est de se baser sur le Pacifique. Et ça, ça restera dans le temps. C'est un mouvement qui est apolitique, qui se veut apolitique. Et donc, ce deuxième principe. Et Marx dira que la coopération est peut-être la première étape, la première marche pour arriver jusqu'au communisme. On en reparlera du communisme forcément, parce que 1917, les coopératives ont bien eu leur place à la révolution. Lénine a mis en place la révolution, sa révolution d'octobre, et il y a eu quand même une place forte qui a été mise en place à la coopération, sauf que Lénine a oublié un certain nombre de principes de la coopération, et qui forcément a détruit dès la base, on va dire, l'esprit même du communisme, enfin, à mon avis. Mais là, voilà, je voulais à tout prix évoquer ces deux passeurs, parce que forcément, des passeurs importants qui ont structuré le 19e siècle. Il y a Proudhon aussi, quand même. J'en ai parlé de Proudhon tout à l'heure, qui disait qu'il c'est simplement, il avait 50 ans de retard par rapport à Craig de Babeuf, qui lui avait déjà dit que la propriété c'est du vol à la fin de la révolution de 1789. Et oui, bien sûr, et Proudhon, simplement, il a été pris presque en otage d'ailleurs par Marx, alors qu'il n'y avait pas forcément, il ne défendait pas forcément les mêmes valeurs avec Marx. Mais là, je revenais cette fois à Rochdale et en Angleterre. Et donc, je fais des allers-retours entre la France et l'Angleterre, parce que l'Angleterre a été, c'est parti de là, la cooperation, et c'est pas la coopération, hein, c'est vraiment, c'est le terme anglais qu'il faut retenir. Et il faut revenir donc aux tisserands de Rochdale et ce qu'on a appelé les pionniers de Rochdale. Ce sont des tisserands qui se sont mis en sabord. Tisserands, on va dire, peu, pas de moyens pour mettre en place une entreprise, des capacités de travail, des compétences, et émerger chez ces pionniers, chez ces tisserands, de se mettre ensemble. Et c'est là où tout a commencé, parce que alors, la coopération existait déjà, on avait déjà compris qu'il y avait des communautés, qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire ensemble. Mais à Rochdale, ils ont créé le premier statut de la coopération. Et on va dire que c'est les statuts sur lesquels on se basera, qui ont été refondés en 1947 en France, en tout cas pour les statuts français, qui sont encore des modèles de statuts sur lesquels on travaille. Bien entendu, après, ils vont évoluer dans le temps, ces modèles de statuts, mais les statuts de 1947 sont les statuts de base. Et quelque part, ils ont les principes fondamentaux déjà à Rochdale, qui sont sur les principes de l'égalité, de l'équité, c'est-à-dire que c'est au travail qu'on va reconnaître ce qu'ils font, ce qui. Ma base, vous l'avez compris, c'est les coopératives agricoles, je connais mieux ça, mais je vais vous baser là-dessus, puis après, on peut reporter ce schéma sur l'ensemble des mouvements coopératifs, hein, parce que la coopération, c'est la coopération de production, on parlera des scopes un petit peu tout à l'heure, on parlera peut-être des coopératives d'habitat, si vous voulez, des coopératives de consommation, il y a un certain nombre de coopératives bancaires, coopératives, ça raconte toutes les valeurs, à tel point d'ailleurs que quand Blocoy parle de mini-république, il faudra attendre Charles Gide à la fin du 19e pour parler de république coopérative. C'est le seul d'avoir imaginé ça, mais on pouvait très bien imaginer qu'on fasse une république basée sur la coopération et avec des entreprises coopératives exclusivement. Je me suis perdu, mais j'étais dans les principes de Rochdale avec les principes d'égalité, pacifisme et l'équité. Donc l'équité, parce que c'est le principe qu'on va travailler et c'est en fonction de son travail qu'on est payé. C'est pas en fonction des capitaux qu'on va mettre, mais bien en fonction de l'homme et de ses compétences qu'il va y avoir. Ce que je disais dans la coopération viticole, nous, on amène 50 tonnes, on va parler en tonnes, on va dire 10 tonnes, parce que ça vous paraît beaucoup peut-être, 10 tonnes de raisin, ou qu'on en apporte 50, ça sera payé en proportion de la quantité qu'on va amener. Alors, pas forcément maintenant qu'en proportion de la quantité, parce qu'on a aussi appris à évoluer qu'il y avait le temps, et ça a été un des problèmes dans la coopération agricole en particulier, c'était de se dire qu'il faut faire la quantité, et quand on a la quantité, on a gagné. Or, non, on a des compliqués avec le temps, et assez rapidement, hein, on a retrouvé un des présidents de la coopérative, que vous connaissez peut-être, Jules Houdier, qui est au pied de la Sainte-Victoire, des vignerons du Mont-Sainte-Victoire, qui a fait des recherches historiques se basant sur les délibérations de conseils d'administration et d'assemblée générale. Et déjà, en 19... alors la coopérative a été créée en 1924. En 1927, on retrouve les premiers éléments de recherche de qualité du produit. Donc on imagine que la qualité, ça y est, on la pêche depuis 2000. Non, la qualité, en fait, on la cherche depuis toujours. Sauf qu'effectivement, il y a eu des époques où on la cherchait plus ou moins. Et donc, pour revenir au principe d'équité, aujourd'hui, on paye en fonction de la quantité et de la qualité de notre récolte. Et ça, c'est important. Et la qualité sur des, bien entendu, des facteurs objectifs et non pas subjectifs, parce que la qualité, qu'est-ce que c'est quoi, hein? Une fois, j'ai un président de, directeur d'une autre coopérative qui m'a dit « La qualité, Olivier, c'est le vin qui se vend. » Bon, ok, à la limite, on peut dire ça. Ouais. C'est pas complètement faux, ouais. T'as raison, parce que c'est ça, la qualité, c'est ce qui se vend. C'est ce qu'on attend. Et c'est vrai que sur le produit, en particulier, je remonte à l'histoire, mais il n'y a rien à voir, la qualité aujourd'hui, mais ça ne veut rien dire. C'est simplement, voilà, c'est ce qu'on va attendre, ce que va attendre le consommateur. Sauf que le consommateur, il attend, lui, ce qu'on lui dise qui est bon et ce qui n'est pas bon. Si on lui dit aujourd'hui, la mode, c'est ça, et que demain, on va mettre ça, mais il y a à peu près 90% de la population qui va mettre ça parce qu'on lui a dit que c'était ça. Et c'est pareil dans le vin. Voilà, pour tout ce qu'on est bien, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait produire dans l'Antiquité. Aujourd'hui, ils trouveraient nos produits dégueulasses. Nous, on les adore. Mais les leurs, par contre, on les trouverait dégueulasses aussi, je vous assure. C'est un peu sous-estimé les consommateurs, ce que vous dites. C'est assez choquant, mais bon, Je veux bien qu'on partage. Excusez-moi, monsieur. Non, mais vous avez raison. Vous écoutez, je vous dis, mais c'est pas possible. Non, mais c'est une société où on ne prend pas des comptes. C'est un peu ça. Ouais. Enfin, non, mais oui, si c'est ça que vous voulez dire, je suis assez d'accord. Ouais, si c'est que vous voulez dire, on a un palais et aussi évaluer notre palais, je suis moins convaincu que vous arriveriez à évaluer votre palais si vous retrouviez entre deux époques différentes. On en parlera si vous voulez, franchement, sur là je veux, parce que j'ai fait une expérience au musée d'histoire de Marseille avec des amphores et du vin antique. Et donc, entre ce qu'ils aimaient eux et ce qu'on aime nous, il y a deux mondes. Il y a deux mondes, mais eux, ils n'appréciaient pas ce qu'on fait, c'est sûr. Enfin, bon. De toute façon, on y reviendra si ça vous intéresse. Peut-être pendant le pont qui suivra. Donc, voilà, à Rochdale, au milieu du 19e siècle, à Rochdale, ils vont donc mettre en place les premiers statuts de la coopération. En France, vous le savez, on ne va toujours pas faire de mouvement coopératif jusqu'à ce que Napoléon III donc, se retrouve dans une situation compliquée justement avec l'Angleterre, parce que pour des principes douaniers d'échanges commerciaux où les bourgeois étaient mécontents et où Napoléon commence à se dire que finalement le peuple il faudrait bien s'appuyer un peu dessus, quoi, parce qu'il sent que le vent est en train de tourner. Sauf qu'il le sent un peu tard. Non seulement il sent un peu tard que le vin est en train de tourner, mais en plus il a la mauvaise idée d'aller déclencher la guerre à la Prusse et en l'occurrence de se faire battre avec la suite qu'on connaît, la défaite de Sedan et donc la commune qui va arriver en 1871. Mais avant ça, quand même, figurez-vous que le premier argent qui est donné à la coopérative, c'est donc une caisse impériale. Il y a Napoléon crée une caisse impériale pour la mise en place de coopératives. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait le journaliste plusieurs fois, mais on pouvait croire à cette idée-là. Mais c'est comme ça que le mouvement coopératif a commencé à se structurer pour de bon en France. Et en fait, il faut attendre après la destitution de l'Empire et de Napoléon pour que vraiment on puisse que la loi Le Chapelier soit abandonnée. Et que les syndicats, c'est par les syndicats que tout va commencer, et que la loi sur les syndicats soit autorisée. Parce qu'en fait, il y a des... Ça, vous savez, on est tous des hommes, quoi. Et quelque part, tout se crée un peu sur le cœur. Il faut s'imaginer à la fin du... presque fin du 19e siècle. Et on se retrouve avec le truc qu'on retrouve aujourd'hui, hein, les conservateurs d'un côté, depuis la Révolution française on a ça, les conservateurs d'un côté, les autres. Enfin, maintenant il y a un peu le centre, mais on voit bien que le centre ça ne fonctionne pas très bien non plus. Il y a les conservateurs d'un côté, les blancs, et il y a les rouges de l'autre côté. Okay. Les cercles conservateurs, les cercles républicains. Et de là va naître notre mouvement coopératif quelque part. Parce que les cercles républicains vont créer des syndicats. Alors, pardon, les conservateurs. Les cercles vont créer des syndicats. Chacun le sert, hein. Le cercle blanc, c'est un syndicat blanc, c'est un syndicat rouge. les syndicats vont créer des coopératives d'approvisionnement. Alors, je parle surtout sur le milieu campagne, et on verra après que sur les SCOP, par exemple, ça a été un peu plus évolué, les ouvriers des coopératives de production, les coopératives bancaires aussi. Dans les villages, c'est comme ça que ça se passe. Les cercles blancs, les cercles rouges vont créer des syndicats, les syndicats vont créer des coopératives de produits, c'est-à-dire d'approvisionnement. Okay, on va acheter des produits pour la vigne, pardon, pour nous dans le midi, mais ça peut être aussi pour d'autres trucs. De toute façon, l'idée c'est ça. Et ces premières coopératives finalement, quelque part agricoles, vont créer des vraies coopératives agricoles, des vraies coopératives de production. Nous, il faudra attendre tard, hein, la viticulture, on entend 1901 pour avoir la première coopérative viticole. Bon, sauf en Alsace. Mais l'Alsace, à l'époque, qui est pas, quand la coopérative de Ribeauvillé a été créée, l'Alsace n'était pas française. Donc on a toujours du mal à savoir si la première coopérative française est héroltaise, puisque c'est à Marossin qu'on la retrouve, ou si c'est alsacienne. Mais bon, ça, c'est un débat interne là, entre les spécialistes de la coopération viticole, de savoir qui c'est qui est de l'œuf ou de la poule. Donc, c'est comme ça que, parce qu'en gros, on va dire entre guillemets, dans les campagnes, c'est comme ça que ça va se mettre en place, vraiment. Et on se retrouve avec des situations totalement ubuesques où on a deux coopératives, mais deux grosses coopératives. Alors là, je parle vite parce que là, je connais bien maintenant, sur ce domaine-là, des coopératives qui sont face à face, des fois. Ça arrive des villages où on a une coopérative face à l'autre. Une coopérative qui va s'appeler le Seigneur Saint-Augustin. Enfin, coopérative des vignerons de Saint-Augustin, et l'autre il va s'appeler la coopérative de la ruche, l'émancipatrice, la laborieuse, tous les titres qu'on peut imaginer qui sont. Voilà. Ce que vous pensez. Et franchement, elles vont se tirer la bourre à tel point que d'ailleurs la première coopérative. Je vais parler de Marossin maintenant parce que c'est fabuleux ce qui s'est passé à Marossin. Marossin, c'est un petit village dans l'Hérault à côté de Béziers. Entre Béziers et Montpellier, je dirais, mais vraiment à quelques pas de Béziers. Et à Marossin, donc c'est une première coopérative, c'est une coopérative rouge. Moi, d'abord, j'ai compris très tard, perso. Hein, donc je suis directeur de la Fédération des 4 coopératives depuis 17 ans. Et j'ai compris en créant le bouquet que, en fait, le mouvement coopératif, il venait pas seulement du mouvement socialiste. J'ai toujours cru, moi, que c'était que des rouges, et voilà, que c'est parce qu'on avait le midi rouge, et que vous avez compris, une famille en plus de ce côté que de l'autre. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait ça, en fait, non, pas du tout, quoi. Il y avait une autre branche de la coopération, qu'on a du mal à imaginer, mais autant je voulais parler du socialisme utopique, autant il faut vous parler quand même du christianisme social. Parce que c'est doublement, alors les blancs et les rouges de l'autre côté, mais quelque part l'idée était la même, quoi. Et ça, on peut jeter la pierre à personne de ce côté-là. Car le père Raphaëlson a créé la première coopérative bancaire sur laquelle Mohamed Younous s'est basé pour créer ses microcrédits. C'est un pasteur sur lequel on va se baser. Et c'est de là que une partie de nos gènes vient aussi de ce christianisme social. À tel point d'ailleurs que Charles Gide, lui, était un protestant fervent. Il n'a jamais voulu divorcer de sa femme. Pendant 20 ans, ils ont fait maison séparée, non pas chambre, mais maison séparée. Ils ont vécu complètement séparés et il n'a pas voulu divorcer. Bon, je trouve ça assez rigolo comme anecdote. Mais ça a été certainement le fondateur, c'est celui qui a cru le plus que la coopération pourrait venir être le mouvement fondateur d'une république coopérative. C'est lui qui a inventé le terme république coopérative à la fin donc, du 19e. Je me suis un peu permis, j'étais à Marossin. Mais de toute façon, je n'étais pas très loin quand même de l'histoire, puisqu'on avance dans le temps. Vous avez vu qu'on est au début donc, du 20e siècle, fin du 19e siècle avec Charles Gide. Charles Gide, alors, on a les coopératives bancaires, vous en avez parlé, qui viennent du christianisme social. Christianisme social, il y a d'autres structures. Alors, les associations des bijoutiers en doré. En particulier, sont aussi issus du christianisme social. Il y a d'autres mouvements coopératifs. Et par exemple, puisque le bouquin parle de la guerre civile, moi qui toujours, quand j'ai commencé le bouquin, je me suis dit, ça sera socialiste, ça sera rouge, ça sera communiste, ce qu'on veut, mais en tout cas, je n'avais pas imaginé que ça puisse être autrement. Il y avait en 1936 450 coopératives en Espagne, et elles étaient toutes d'un mouvement. Cato, catholique, parce que l'Espagne, c'est très peu protestant, donc c'est essentiellement ça. Et ça m'a foutu le bourdon pendant quelques temps de savoir ça, pour m'apercevoir après qu'on pouvait s'enrichir des uns des autres. Hein, je veux dire, c'est pas. Faut penser à prendre le meilleur de chacun d'entre nous, toujours le meilleur. Et donc, le christianisme social, et c'est le cas de Charles Gide, va réfléchir à une république coopérative. Pourquoi une république coopérative? Comment il imagine ça? C'est relativement simple. La coopérative bancaire existait déjà. Les coopératives agricoles, elles existaient déjà. Les SCOP, 1870, les premières coopératives vraiment fondées par le mouvement coopératif, ce sont les SCOP. Aujourd'hui, on en entend parler comme si elles reprenaient uniquement les entreprises qui ne fonctionnent pas. Non, les SCOP, c'est pas ça, quoi. Les SCOP, elles se créent depuis la base, et 50% des SCOP sont créés depuis la base. Si je ne me trompe pas sur les chiffres, je pense que ça va être à peu près ça. Mais ce que j'ai en tête, en tout cas, c'est 50% des SCOP se créent ex nihilo, et 50% sont effectivement des reprises d'entreprises qui sont en faillite. Ce n'est pas qu'elles soient en faillite, c'est simplement c'est que le gars qui est un bon et qui lui fait récupérer le pognon, il n'en a pas assez pour lui, et donc il dit on ferme l'entreprise. Quand elle marche, ça marche. Quoi. Les salariés arrivent à la faire fonctionner, c'est très bien. Ça ne marche pas des fois, hein, parce que malgré tout, il y a des fois où. Ça ne fonctionne pas et que la structure a été mise dans un tel état à force de piocher sur les capitaux, effectivement, bah, on n'arrive pas à faire fonctionner. Mais lui, il se dit, Charles Gide, c'est très simple. Rien à voir avec André Gide. Si, c'est l'oncle. C'est l'oncle ? C'est l'oncle d'André Gide. Merci Tony. Non, oui. Je pensais qu'il n'y avait aucun rapport avec André Gide. Non, c'est son oncle. Ok. Et il va dire, lui, j'ai des coopératives de consommation. Alors, coopérative de consommation, c'est un mec qu'ici tout le monde le connaît bien, mais quand même, coopérative de consommation, c'est en fait on va acheter le produit, on va les revendre. Finalement, effectivement, c'est sur la différence de prix à la fois et sur la structure. On pourra reparler des coopératives de consommation, mais quelque part, c'est l'achat-revente de produits. Je fais très simple. Coopérative de consommation, on sait des coopératives de production, on sait des coopératives agricoles. Lui, d'ailleurs, se basait, c'était la République coopérative, elle se base sur les coopératives de consommation. Il commence tout comme ça, en fait. C'est de dire, si on fait de la marge sur les produits qu'on revend, et que cette ristourne elle revient à la coopérative, on va pouvoir créer d'autres coopératives. Pas seulement des coopératives de consommation, mais d'autres modes, d'autres types de coopératives. Est-ce qui est relativement... intéressant, mais c'est comme ça aujourd'hui que les sociétés de capitaux aussi se forgent, hein. C'est-à-dire qu'on commence à créer une coopérative, une structure, une S1, puis après, on fait autre chose, bon, sur d'autres domaines, et la coopérative se dit, mais bon, pourquoi je pourrais pas faire pareil? Et c'est ce qu'ils ont fait, on fait pareil. Sauf que lui, il se dit, on va pas aller plus loin que ça, on peut créer carrément une république coopérative. Et là, on rejoint Flaubert dont je parlais de mini-république. Parce qu'en fait, les républiques coopératives, on n'a jamais arrivé à faire ça, sauf si peut-être on peut imaginer qu'en 1917, à la Révolution d'octobre, on aurait créé une république coopérative. Bon, moi, je ne suis pas trop pour ce principe-là, mais on va y revenir. Sauf qu'à Marossin, pour le coup, en 1901, c'est vraiment une mini-république coopérative. C'est-à-dire que les alors, ok, il y a... moi, je vous ai parlé des blancs et des rouges, j'ai fini là, je ne vois pas trop, désolé. C'est important de comprendre qu'il y avait donc ces deux coopératives, la coopérative viticole, je parle de la coopérative viticole, elle a talonné à 3 mois près les statuts de la coopérative, d'une coopérative, mais cette fois du côté christianisme social. Et ils sont passés devant, en fait, et ils ont mis en place leur projet plus rapidement que l'autre et qui a abandonné son idée. Mais sinon, c'est basé comme ça. Donc il y a eu cette coopérative viticole, mais il y avait déjà une coopérative bancaire. Il y avait une coopérative de production, il y avait des coopératives agricoles, il y avait des coopératives de consommation, et tout tournait autour du mode coopératif. Et donc il faut aller dans cette coopérative, si vous avez la chance d'y aller, alors s'ils ouvrent pendant la journée du patrimoine, l'année dernière j'avais fait une présentation pendant les journées du patrimoine avec le maire de Marossin, et qui ouvre la cave historique pendant cette période-là, parce qu'après il y a une autre cave qui s'est mise en place, une autre cave coopérative, mais la cave coopérative historique, donc la première cave coopérative de France a été qui est là-bas, ils veulent la faire au musée, il manque un peu de pognon pour le mettre en place. Et il y a quelques affiches, et en particulier où on a cette idée, alors ils n'appellent pas ça mini-république coopérative, mais on on est pris dedans quand vous arrivez dans ce... D'abord, c'est un grand bâtiment avec des barils et des fioles enchaînés et des foudres. Il y a des foudres qui ont leur hauteur de plafond, hein, des trucs énormes. Tout en bois, c'est vraiment, on est pris dans cette ambiance-là. Et il y a ces affiches où on voit les coopératives, le mode d'organisation. On a l'impression qu'on revit 1900, quoi. On est en train de repartir dans le temps. C'est totalement fabuleux. Et donc, ils ont mis en place, je pense à ma ressent, ce que Gide rêvait à son époque. Mais c'était déjà, hein, Gide, bah, il est décédé bien après. Il a été professeur au Collège de France, si je ne me trompe pas, Tony. Donc, c'est lui qui a appelé l'école de Nîmes, il était nîmois. C'est surtout à Nîmes qu'il a été professeur d'économie, Charles Gide. Et c'est surtout avec l'école de Nîmes qu'il a fait évoluer ses pensées. Il a écrit beaucoup de bouquins, et franchement, vous les relisez ces bouquins, on a l'impression de le revivre aujourd'hui. Quoi. On a l'impression qu'il y a encore des... C'est nos réflexions qu'on a aujourd'hui, simplement on est en train de dans 100 ans de retard sur ce qu'il avait imaginé. Donc voilà, ce qui se passe sur le milieu public ou coopératif. Excusez-moi, je n'ai pas de montre, on est dans les temps, je parle trop de temps, je parle trop... On n'est pas encore une heure, hein. 6h10. 6h10, non, mais c'est bon. Okay. Non, ça fait une heure, après plutôt le temps de l'échange et des questions. Une heure, une heure et quart, tu peux y aller. Alors, je vais essayer de faire une table essentielle. Là, il faudrait donc aller à la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, non, avant, je ne sais pas. Les coopératives sont filles de misère, disait Charles Gide. Je ne suis pas trop pour cette citation parce qu'elle a vachement dénaturé ce qu'était le mouvement coopératif. En partant de cette citation, en disant les coopératives sont filles de misère, ce qui n'est pas faux, parce que même que sur les pionniers de Rochdale ou après, ce qui ont créé des coopératives, souvent, c'est parce qu'il y avait du pognon, parce que ce qu'il y avait du pognon, on le dit, ils le gardaient, ils faisaient des sociétés à capitaux. Et donc, effectivement, surtout les coopérateurs sont des gens modestes, voire très modestes. Et dans mon livre, je les appelle les petits hommes. C'est pas péjoratif quand je dis les petits hommes, simplement c'est que, voilà, il y a de l'humilité, au contraire, dans les coopérateurs. Et c'est ce principe-là que je voudrais retenir quand je dis les petits hommes. Et au passage, jaune au passage. Hein. Ça, par contre, la couleur, quand je dis les petits hommes jaunes, c'est pas inventé, quoi. Jaune, c'était vraiment la vraie couleur, c'est-à-dire que c'était pas rouge, c'était pas blanc, c'était entre les deux. Et quelque part, c'était le jaune. Et pendant des décennies, on a appelé les coopérateurs des jaunes. Suite à Marx en particulier, qui avait dit de toute façon la coopération, tant qu'on peut être fier de la coopération, tant qu'on ne s'allie pas avec les bourgeois. C'était ça son principe à Marx. Il n'avait pas tort certainement. Et il y a eu des alliances avec les bourgeois, et pour lui, le christianisme social, vous en doutez bien, c'était pas trop, trop son côté. Quoi. Donc il n'a pas trop apprécié le fait qu'il y ait des alliances entre le christianisme social et le socialisme utopique par la suite. Mais en tout cas, ça s'est mis en place. Et pour revenir, les deux guerres, donc première comme la deuxième guerre, surtout au sortir de la première guerre, le mouvement coopératif, c'est extrêmement... les entreprises coopératives ont eu le jour à ce moment-là, mais c'était simplement c'est pour reconstruire la France. On a reconstruit la France en 1920, parce que vous allez voir. Et ensuite, à la sortie de la deuxième guerre, où effectivement, on a à nouveau eu des coopératives, là où n'existait pas. Or, dans les coopératives agricoles, je connais moins pour les autres coopératives. Il faut de plus. Les coopératives, la majorité des villages se sont équipés de coopératives, en particulier viticoles. Et le schéma, une église, une mairie, une coopérative, à peu près tous les villages de Provence et du Midi de la France, on l'a vu venir se mettre en place. Quoi. Alors, il faut peut-être attendre 1950. Il faut comprendre. Alors, si ça vous intéresse vraiment de parler des coopérations viticoles, c'est mon dada. Bien entendu, il faudrait parler de 1907, la révolution de 1907, la révolution que j'appelle des vignerons du Midi, mais qui a pas pris que les vignerons et tout le peuple s'est rangé derrière les vignerons à cette époque-là. Il faudrait comprendre ça pour arriver à comprendre après les structures de la coopération viticole. Mais donc les deux guerres vont pousser en fait les coopératives dans la fille de misère selon le principe de l'économie d'échelle qui encore dévoie largement ce que c'est que la coopération va donc s'organiser. 1917, Lénine s'appuie sur les coopératives parce que l'an dernier, c'était bien que l'anarchisme on ne s'appuie pas trop sur les structures, quoique j'imagine que c'est pas totalement faux, surtout que la coopération sont j'avais parlé déjà de trois principes de la coopérative, quatre même, j'en rajouterai un autre, c'est le principe d'autogestion. C'est le principe fondamental de la coopération, c'est qu'il doit être autonome, il dépend de personne, il est indépendant, il est autonome, il doit vivre sur lui-même. La coopération, c'est un peu plus que ça, c'est de dire même on doit essaimer notre exemple. En tout cas, un des principes de la coopération, c'est de dire, de l'association de la coopération internationale, qui a été créée à la fin du 19e, mais qui existe encore aujourd'hui, cette association, et c'est de faire proliférer notre mouvement, notre schéma coopératif, d'entreprise de coopérative, à travers le temps, par l'exemple, je vous l'ai dit. Donc voilà. Sauf que Lénine, quand il se base sur la révolution d'octobre, il met en place des coopératives. Il met en place la coopérative communale. Le problème, c'est qu'il dit vous allez adhérer à la coopérative. Et que la coopérative, c'est pas ça. La coopérative, donc j'en ai parlé de cinq, le sixième principe de la coopération, c'est la liberté. C'est la liberté d'adhésion et de sortir aussi. Quand on sort d'une coopérative, c'est. On va dire, d'ailleurs, pour y rentrer aussi, il faut quelque part une acceptation, mais c'est en tout cas, on ne pousse jamais personne à adhérer à une coopérative. C'est un principe de base, quoi. C'est la liberté d'adhésion. Après, pour en sortir, il faut quand même respecter le modèle entrepreneurial. Parce que sinon, ça serait trop facile. Imaginez, ce que je connais bien, hein. Un coopérateur qui arrive avec 30 hectares, c'est déjà beaucoup. Mais donc, il a 60 hectares, ce qui est un gros coopérateur. Hein. Pour nous, dans la 60 hectares de vignes, ça serait un gros coopérateur. On va investir pour l'accueillir. C'est-à-dire qu'on va mettre des cuves en plus, on va mettre un pressoir en plus. Je parle d'ici, mais vous pouvez bien imaginer le schéma que vous pouvez comparer ailleurs. Donc on va investir pour lui. S'il s'en va au bout de deux ans, alors qu'on a investi, qu'on n'a pas menti le matériel, qu'est-ce qui se passe, quoi? D'où l'obligation d'avoir un engagement. C'est quand même un contrat qu'on va signer. Le coopérateur va signer un contrat avec la coopérative. Il va s'engager auprès de la coopérative. Nous, il s'engage sur 5 ans, généralement c'est 5 ans. Hein. On peut signer sur 10 ans, la rentrée, maintenant c'est quasiment tout le modèle, c'est 5 ans. Je ne sais pas après comment c'est sur les autres modèles coopératifs, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, ça dépend certainement, enfin, de certains nombres d'éléments, mais vous pouvez aisément comprendre comment ça fonctionne par rapport à ça. Donc, quand Lénine décide d'obliger les citoyens à adhérer à une coopérative, ben, on va dire pour nous, c'est raté, quoi. On va dire on a loupé la marche. Du moment où on oblige quelqu'un à faire quelque chose, on n'est plus dans l'esprit qu'on vise. Donc voilà, je m'arrêterai là sur le parallèle avec le communisme. Je vais pas en parler après, je maîtrise au moins, certainement pour beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, c'est je me retiens moi que voilà, si on n'avait pas dévoyé le communisme depuis son début, certainement qu'il serait passé des choses beaucoup plus intéressantes par la suite. Pour là, je vais aller maintenant assez rapidement me projeter vers la fin du 20e, pour arriver à une autre peut-être mini-république coopérative qui, grosso modo, fonctionne encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, elle n'est pas tout à fait mini république coopérative au sens de Marossan ou comme au sens de l'entente d'Égide. Mais il faut aller en Espagne, il faut aller à Mondragon. La coopérative de Mondragon, c'est la plus grosse coopérative au monde. Il y a plus de 30 000 socios, ce qu'ils appellent les socios, les adhérents. C'est dans quelle région, ça, Mondragon ? C'est au Pays Basque. Tout à fait. C'est la vallée, non, Mondragon, c'est la commune, et donc c'est. Pays-Bas. Oui, voilà. Parce qu'il y a plus l'intérieur, plus les terrains. Le Pays-Bas, c'est pas dans les terrains. Vous l'avez visité ? Non. On a un livre ici sur la. D'accord. Vous avez des livres sur tout, de toute façon, ici. c'est pour ça qu'on est ici. Mondragon, c'est quelque chose d'assez fabuleux parce que c'est. Alors, là aussi, Mondragon. Première coopérative au monde. Mondragon, ça a été créé par Père Arismendiarrieta. Excusez-moi, il a un nom. Je dors avec un billet de métro dans la poche. Bah, forcément, mais il n'est pas facile à dire. Arismendiarrieta. Le basque, ça se prononce comme ça, c'est écrit. J'en parle effectivement dans mon roman parce que du père assez peu, mais qui est une histoire folle parce qu'il est arrêté, il est républicain, c'est un père républicain quand même, hein, pour oublier. Ah oui, le clergé au Pays-Bas, c'était pas celui du reste de l'Espagne. Ouais, il y a eu quand même pas mal de dissensions à l'intérieur. C'était un peu compliqué. C'est la base idéologique de l'ETA. Ouais. Oui. Oui, exact. Et ce père-là va créer donc. Je ne sais pas trop comment s'y prendre. Hein, il y a l'idée de créer des coopératives. Je crois même que c'est en 1950, donc c'est sorti de la seconde guerre. Bon, de toute façon, vous vous en doutez, le franquisme a sacrément muselé les choses au début. Il l'a muselé jusqu'à la fin, je dirais. Mais on a osé prendre un certain nombre d'initiatives uniquement après la seconde guerre où les choses s'étaient planifiées, où les Américains avaient compris que. Ou avait accepté en tout cas que de négocier avec Franco et que finalement on a laissé Franco comme ça, ce qui est quand même extraordinaire. Tous les autres dictateurs ont été arrêtés, et plus que ça, et lui non, il a continué. Quelque part il n'avait pas pris part à la guerre aussi. Hein. Il avait fait une sacrée erreur. Mais c'est comme ça que les. Parce que finalement il y avait un lien avec le communisme là aussi. Je ne veux pas venir là-dessus, je maîtrise peut-être moins les aspects politiques de la fin de la guerre civile et de la fin de la seconde guerre civile. Pour résumer, les républicains, ils espéraient qu'après la chute de l'Italie et de l'Allemagne, les alliés allaient s'occuper de Franco, mais les Américains ont vu que c'était une base anticommuniste et ils ont installé leur base militaire et ils ont soutenu le régime, parce qu'ils préféraient avoir les fachos que des communistes. Tout à fait. Pour résumer. Je l'évoque un petit peu, mais c'est aussi ça, oui, tout à fait, qui s'est passé. Et donc tous les républicains étaient vraiment, ils pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir rentrer et ils sont restés en exil jusqu'en 75. Oui. Et souvent, ils sont restés tout court. Et souvent, ils sont restés en exil. Et aujourd'hui, ils sont d'autres pays, mexicains, français, etc. Je vais essayer de me focaliser sur la coopération, de toute façon, pour terminer, parce que quelque part, le père Henri de Méniarita, donc quand il a mis en place, il a travaillé avec quelques ingénieurs en électronique, et il a mis en place la marque, enfin, qui est devenue la marque Fagor, que vous connaissez, qui a racheté Brandt, qui a racheté un certain nombre de trucs, et aujourd'hui, c'est l'électroménager. C'est l'outil de base, mais ils n'ont pas fait que ça, en fait. Aujourd'hui, maintenant, Mondragon. C'est des coopératives de consommation, c'est des coopératives de production. Je ne crois pas, par contre, que ce soit des coopératives agricoles de mémoire. Il n'y a pas de coopérative agricole dans Mondragon. Mais voilà, donc c'est quand même une vallée qui vit à partir de la coopération. Donc, quelque part, ce modèle coopératif a été reproduit. La coopération, on en entendra parler après dans la coopération internationale. Alors après, il faut mettre un peu tout ce qu'on veut. Dans la coopération internationale, c'est finalement le fait de coopérer, donc de travailler ensemble. Et ces modèles coopératifs, ils sont restés à travers le temps. Et là, je vais aller très vite pour qu'après, parce que l'idée, c'est qu'on fasse une discussion, s'il y a des questions en tout cas. Pour revenir à cette fois au 21e, et plutôt à la fin du 20e et du 21e, parce que. Je me sens que c'est en 1992 que l'ONU a créé la journée de la coopération. En 2012, ça a été l'année de la coopération, mais entre-temps, Younous a créé les microcrédits, et Elinor Ostrom, la prix Nobel la seule femme au prix Nobel d'économie, encore ce jour, a eu le prix Nobel pour c'est les biens communs. Je rappelle ce que c'est le principe des biens communs, simplement. Je me doute que vous savez, mais ça me fait plaisir d'en rappeler. Voilà. Le principe, c'est on a un lac, il y a des poissons dedans. Aujourd'hui, l'idée du capitalisme, c'est de dire à celui qui pêche le plus de poissons, il a gagné le plus, et c'est le plus fort et c'est le plus beau. Et à la fin, il n'y a plus de poissons dans le lac. Et le bien commun, c'est de dire, plutôt que de pêcher tous les poissons dans le lac, et de savoir qui est le plus fort et le plus beau, essayons de partager ensemble les richesses. Et surtout, qu'elles soient pérennes. Ça allie à la fois la problématique sociale et la problématique environnementale. Et le bien commun, voilà. Alors, on en a fait, alors, en 2016, j'avais, que j'avais commencé à travailler sur le bouquin, j'avais fait une assemblée générale pour ma fédération de quelques coopératives, et j'avais fait un travail avec un économiste, ça s'appelle Michel Parrain, je ne sais pas si tout le monde dit quelque chose, sur le bien commun. Enfin, on essayait de trouver un truc pour essayer de mettre en place quelque chose qui serait le bien commun dans la coopération. Bon, finalement, ça n'a pas arrivé à trouver notre affaire. Mais donc j'avais basé mon intervention sur le bien commun, l'intervention de M. Parrain sur le bien commun. Et quand, et 6 mois après, j'ai appris que la coopération se fait au niveau national, avait réutilisé ce terme. Alors, je ne sais pas si c'est une relation de cause à effet ou c'est une question de mode, mais en fait, maintenant, un des slogans de la coopération agricole au niveau national, donc qui s'appelle Coopérative de France, c'est la coopération pour le bien commun. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il faut toujours faire attention au détournement de citations, de phrases. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde est conscient de ce que ça veut dire dans la coopération, aujourd'hui. Dans les coopérateurs, il y en a qui... J'en ai parlé tout à l'heure, mais il y en a qui comprennent ce que ça veut dire que la coopération, tout ce que je viens de vous raconter sur la coopération, à la fois toute notre identité, toute notre génétique, et tout ce qu'on peut espérer dans le futur de ce que peut être le modèle coopératif, parce que moi j'imagine que le modèle coopératif est le modèle de demain, que ça sera le nôtre demain, et que c'est aujourd'hui de plus en plus prégnant. On est dans le cadre des économies sociales et solidaires. Mais aujourd'hui, la principale, et on l'oublie toujours, c'est ce principe-là par lequel j'ai commencé, de dire que la coopération, c'est 70% de la 70% des économies sociales et solidaires. Et qu'en l'occurrence, je pense que c'est quand même notre modèle de demain. Et donc, quand on parle du bien commun, c'est la coopération, enfin, la coopération, c'est le bien commun. Il faut toujours faire attention quand même à ce qu'on dit et bien comprendre le sens des mots. Parce qu'Elisa Rostrom, quand même, a mis le doigt sur quelque chose d'assez important. Il y a eu 2 prix Nobel, au passage, sur cette même théorie du bien commun. La première, c'est Elisa Rostrom, c'est un KMAT. Et puis, un deuxième, cette fois, c'est un mec. Je ne sais pas le nom, franchement. Mais il y a assez peu, quoi. Je ne sais pas si c'est en 2013, un truc comme ça, qu'il a eu le prix Nobel. sur la même thématique. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter de la coopération. J'ai pas de finale. Enfin, si, j'avais des finales puis sur ce que j'avais préparé. Je voulais vous lire une lettre. Une lettre qui a été écrite en 1907, qui a été retrouvée en 2017 dans les murs d'une coopérative, de la coopérative viticole de Camps-la-Source à côté de Brignoles, qui s'appelait à l'époque Camps de Brignoles, donc à côté de Brignoles. Ça a été la première coopérative viticole de Provence, donc Var et Bougeron, la Provence dans son ensemble. Et le président de cette coopérative, qui était aussi le maire du village de Camps, avait rédigé une lettre qu'il a mis dans une boîte en fer. Cette boîte en fer, il l'a mis dans le mur. Et quand ils ont donc certainement inauguré, j'imagine, quand ils ont posé la première pierre en 1907, ils ont mis cette boîte-là. Personne n'était au courant de cette boîte, et ils ont retrouvé cette boîte en 2017, des maçons qui ont réaménagé la coopérative, parce que la coopérative, celle-là, n'existe plus, elle a fusionné avec la coopérative de Brignoles. Et dans cette boîte, il y avait cette lettre. Et cette lettre, il y a tout. Il y a toute la coopération dedans. Quoi. Enfin, il y a tout le cœur de la coopération. Alors, bon, lui, il était rouge, hein, mais quelque part, on s'en fout un peu. Tout le reste était là. Alors, je ne suis pas sûr que vous la retrouviez ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on la retrouve sur Internet. Par contre, demandé à ma fille avant de commencer l'intervention, c'est pour ça que je suis sur tout à l'heure. Je ne sais pas si elle a pu me le faire, de me l'envoyer par photo. Alors, si ou ouais. Je ne sais pas si j'arriverai à la lire en entier. Mais on a le temps ou vous préférez faire le débat? Non, c'est une lettre qui a. Vas-y. Je ne sais pas si tu arrives à la lire. Bon. Donc, écrit le Camps, 1er juillet 1907. L'exploitation des grands capitalistes, l'indifférence de nos gouvernants, la mévente des vins, je vous passe le prix 7,50 mais ça ne va rien vous dire de toute façon, la ruine des petits vignerons. Il faut bien imaginer que les petits vignerons, c'est justement pas des vignerons coopérateurs. Ça n'existait pas. La coopération viticole n'existait pas. Et donc, c'était les petits vignerons, c'est en fait des vignerons qui étaient soumis aux négoces, qui eux venaient leur acheter le produit. Mais comme de toute façon, le négoce, il faisait ce qu'il voulait, puisque c'est l'histoire de l'atomisation de l'offre et de l'atomisation de l'offre. Hein. Je Je ne parle même pas de l'offre de la demande. On est en 1907, révolution donc rouge, où on est en mai 20 suite à des vins chimiques qui sont produits. Parce qu'on savait faire du vin chimique et pas qu'aujourd'hui qu'on sait faire de la chimie. Hein. Les impôts très lourds payés par la populo. Le refus de la Chambre des députés de voter l'impôt sur le revenu. Ça peut quand même être plus une discussion, hein, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'impôt sur le revenu, ça change. N'attendant rien de l'action législative, mais tout de l'action syndicale. 100 petits propriétaires de la commune de Kamps avant formé une association sous le nom de coopérative viticole de Kamps. Les membres de l'association apportent leurs raisins qui deviennent anonymes. Le conseil d'administration a seul le droit de la vente. Notre but est de former des coopératives dans toutes les communes viticoles et de faire ensuite une grande fédération et nous mettre en relation commerciale entre les avec les coopératives. Les coopératives de consommation. Les coopératives de consommation. On est bien les pauvres de Charles Chine, quand je parle des coopératives de consommation et de se baser sur la République coopérative, il faut bien imaginer se mettre ça en tête. C'est le seul moyen pour nous. C'est le seul moyen pour nous débarrasser des exploiteurs qui pullulent à notre époque depuis le plus bas jusqu'au plus haut de l'échelle sociale. Il n'y a partout. Désolé, c'est pas très pratique. Il y a partout. Des gens sans pudeur et sans vergogne. Marchant à l'assaut furieux de l'assiette au beurre. Le prix de la journée des travailleurs de la terre est variable. Bon, je vous passe le truc là, parce que ça n'a pas grand intérêt non plus. Nous avons confiance en l'avenir. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'ignorance et par ce fait, beaucoup d'avachissement. Le veau d'or est toujours debout. On adore sa puissance. Excusez-moi, il faut le changer de page, mais je vais y arriver. Catastrophe. Ça passe pas. Je n'arrive pas à lire la première. Elle commence à se développer et nous espérons. Alors, l'antimilitarisme commence à se développer et nous espérons que les conflits sanglants. Ça vaut le coup, excusez-moi, ça vaut le coup. Je me permets d'être un peu long, mais je sais pas quand même, il y a à peu près tout ce que je vous ai raconté sur les principes de la coopération. Rares sont encore les hommes qui, haut et ferme, portent le drapeau de la Révolution. Mais la jeunesse des écoles laïques continuera notre œuvre. Notre devise est celle-ci. Nul n'a droit au superflu tant que chacun n'a pas le nécessaire. À tous et à toutes, mon salut fraternel. Marin, maire de Kamps, j'ai fini là-dessus, si vous voulez bien. Je ne peux pas dire mieux que cette dernière lettre. Désolé, j'avais pas le courrier qui est resté dans la voiture. Alors, je pense qu'il va y avoir plein de questions. Déjà, il y a des coopératives scolaires, on n'a pas parlé tout à l'heure, ça fait allusion aux diverses coopératives. Il y a des coopératives scolaires qui sont des tentatives, justement, de mise en commun du travail, en supprimant la concurrence entre les élèves, et en mettant en place la coopération, c'est-à-dire l'entraide pour obtenir un résultat. Faire une enquête, ou bien organiser une sortie, ou bien mettre de l'argent dans la caisse, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que un de ceux qui a pensé justement les coopératives scolaires s'est effréné, qui non seulement, quand il était dans l'Alpes-Maritimes, a démarré les coopératives dans les classes, mais également dans les milieux paysans. Il allait de village en village pour faire démarrer des coopératives de paysans, c'est-à-dire mettre en commun les ressources, oui, les ressources humaines, en tout cas, ce que les gens peuvent faire ensemble. Donc, c'était pas simplement, je veux dire, de la théorie comme ça, voilà, mais c'était un effort, et il était lui en tant que militant syndical. Non, mais c'est. Moi, je parle quand Christophe Minier, c'est une partie de mon bouquin, effectivement, le héros veut créer une mini-république coopérative. Pas à la fin, mais. En tout cas, c'est son objectif. Des fois, un chemin, on se perd, des fois, on crée des choses fabuleuses à le chemin. Hein. C'est ça le principe de la coopération, c'est d'essayer, c'est-à-dire sur tous les domaines, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il y a des coopératives de théâtre, coopératives scolaires, des hôpitaux. Alors c'est le cas, quand je parle de ça, c'est le cas à Mondragon, par exemple. C'est le seul aujourd'hui que je connais, cet exemple, qui est vraiment de ce type-là, mais où tout est coopératif. Et ils ont tout à l'intérieur. Leur coopérative, c'est des mini-coopératives qui sont à l'intérieur. Voilà. Tout ça, après, il faut... On ne sait pas où on va, des fois. Le problème de créer des superstructures comme ça, c'est qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Il y a 30 000 personnes, je ne sais plus combien, il y a de millions de chiffres d'affaires. Parce que quand tu parles de l'avenir, toi, tu dis à un moment donné, pour moi, l'avenir, c'est coopératif. Mm-hmm. C'est la coopérative. Tu envisages quoi sur la, quand tu dis ça? Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que j'envisage, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de... créer des entreprises de mouvement à capitaux basées sur l'argent et qu'on se base sur les hommes et sur le cœur et non pas sur le pognon. C'est ça ce que je vise et quand je pense que ça suit simplement... Alors en 1987, Rocard avait commencé à mettre en place la première loi finalement sur l'économie sociale et solidaire et en particulier il a hésité là, à s'appuyer sur les coopératives. Je pense qu'il a fait une mauvaise idée de ne pas s'appuyer sur les coopératives. Ce qui ne s'est pas appuyé sur les coopératives, il a mis en place. Je ne sais plus quoi ça veut dire. Il y a une espèce de grosse structure au niveau national sur les coopératives. Je pense que là, on a loupé un coche à cette époque-là. Parce que quand même, tout le monde est en train de. Ben, tout le monde. Chaque corporation, hein, essaye de s'opposer au capitalisme qui bouffe tout le monde. Et moi, je pense aux libraires. Bon, je suis dans ce mouvement-là, où il y a une grande majorité de libraires indépendants qui sont en train de s'unir pour essayer de s'opposer à Amazon. Parce qu'Amazon, évidemment, bouffe le bouquin et va jusqu'à l'édition. Et donc, je ne sais pas si c'est sous forme coopérative, mais en fait, c'est l'union de tous les libraires qui proposent. Par exemple, quand on va acheter un livre, on peut commander un livre n'importe où, ou sur Internet, forcément, et on va le retirer dans une librairie indépendante. C'est pour s'opposer à Amazon, qui, évidemment, Amazon est imbattable, ni sur l'édition, ni sur la diffusion. Parce que vous êtes chez vous, le lendemain, vous avez le bouquin chez vous, sans payer le frais de port, bien bon. Non, ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais vas-y, tu finis peut-être. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'après. Alors là, ce premier, c'est l'éditeur indépendant qui est en train de se construire en coopérative. Je suis bien placé quand même pour savoir que je devrais le défendre. Et celui-là, il est édité par Amazon parce que j'ai pas pu faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, mon éditeur classique, le problème c'est qu'il oublie d'imprimer mes bouquins. Donc celui-là, c'est des bouquins, c'est cette édition-là. Sauf que c'est moi qui l'ai fait imprimer. Bon, au final, je suis plus gagnant quand je l'ai fait imprimer moi que quand c'est lui. Hein. Du passage que sur financière, parce qu'il se prend la partie. Et là, je suis passé par Amazon, par facilité. En fait, j'aurais dû faire, effectivement, ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait une première relance en le faisant. Mais je trouve que c'est dommage, j'aimerais tellement travailler avec lui. Quoi. Et surtout que maintenant, il réfléchit à un modèle coopératif. Alors, oui, moi, je suis à 200%. Quoi. Mais en revanche, ouais, il y a un minimum. Quoi, je veux dire, c'est pas parce qu'on est un modèle coopératif qu'on ne fait pas vivre les gens. Enfin, c'est pas de vivre, je ne fais pas de ma littérature, même de là. Mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons, quoi. C'est simplement ça. Et à un moment donné, là, ça ne fonctionne pas. On a l'impression que quand on écrit un bouquin, c'est surtout de le faire découvrir aux autres. C'est pas d'un livre. Le quatrième livre, en France, il doit y avoir une quarantaine d'écrivains qui... Pardon. Une dizaine. Ouais. Une dizaine. Bon, en fait, il faut Jacques de Musso et puis quelques-uns de ses acolytes, ils m'ont assisté beaucoup. Donc voilà, je partais à Ops par exemple, ils ont créé une coopérative de, enfin, de prêtres d'édition. Et maintenant, moi je suis président, enfin, je suis vice-président d'une médiathèque maintenant, et donc on va les acheter pour partie à cette coopérative. C'est pas parce qu'on est une coopérative qu'on est excusé. C'est pas parce qu'on est coopérateur qu'on doit pas avoir le cœur sur la main, quoi. Parce que des fois, il y en a certaines parce qu'ils sont coopérateurs et ils se disent, bah, oui, je suis coopérateur, ça me suffit. Mais non, ça suffit pas. Ça veut dire que les principes, on les met en place, mais qu'il faut essayer toujours d'aller chercher un peu plus loin que les principes. J'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes, là, parce que les coopératives viticoles, les vignerons, ils travaillent de leur côté, ils produisent du raisin et après, ils délèguent à la coopérative le fait de faire du vin. Donc c'est d'autres gens qui font du vin, c'est pas les mecs qui ont produit le raisin. Alors ça, donc là, on est laissé des gens individuels qui produisent quelque chose, et après, il y a la coopérative ensemble avec des principes de coopération. Mais là, on est différent d'une coopérative qui va tout produire, un peu comme les MIP ou les. Enfin, peut-être j'y connais rien, hein, c'est pour ça que je pose la question. C'est justement des de la coopérative, c'est que la coopérative est le prolongement, parce que nous, on dit à la coopération agricole, mais ça vaut pour l'ensemble du monde coopératif, la coopérative est le prolongement de l'exploitation. D'accord. D'ailleurs, à ce propos-là, on n'est pas imposé, on n'est pas fiscalisé. Mmh. Il faut rappeler souvent des fois des coopérateurs que la coopérative, c'est la leur. C'est pas celle du directeur, pas celle du salarié. Ça veut dire quoi qu'ils interviennent, ils donnent leur avis sur comment on va faire le vin. Non, mais ils donnent pas leur avis, c'est eux les chefs, quoi. C'est pas le directeur qui mais est-ce qu'ils ont les capacités, ils sont œnologues ou ça, c'est un autre problème. Ça, c'est le problème de la mise en place. Est-ce qu'il y a des gens qui sont embauchés par les coopérateurs pour faire le vin, quoi, par exemple? Donc, et comment ça se passe? C'est comment les salaires? Est-ce que le président de la coopérative, il gagne pareil que l'œnologue ou le mec qui remplit les bouteilles, quoi? C'est ça aussi. C'est une question que je pose. Non, mais j'y connais rien parce que là, on a eu des mouvements, tu nous as parlé de trucs dans les mouvements révolutionnaires, tout ça. Bon, après, on va revenir sur l'Espagne parce que j'ai des questions aussi. Mais là, on est dans un système capitaliste, on a des gens qui s'organisent entre eux, et qu'est-ce qu'ils ont de différent? Bon, après, oui, tu as parlé des capitaux extérieurs, mais après, on m'a dit que Crédit Agricole, c'est une coopérative, c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Il y a un moment, vous êtes parti sur les statuts, c'est ça qui compte, en fait. Il faut être un peu technique, parce que là, on est dans la grande rhétorique. Il faudrait quand même nous dire précisément en quoi c'est révolutionnaire. Moi, je ne l'ai pas vu dans tout ce que vous m'avez dit. Je l'ai pas vu. Et au moment où vous m'avez dit que la première, je crois, vous m'avez dit ça à un moment, la première coopération, elle avait été financée par l'Enfer, je crois, je me trompe. J'ai parlé d'une question période. Là, j'ai halluciné, je suis dit, donc, c'est ce qui serait intéressant, peut-être que je n'ai pas compris, parce que moi aussi, je ne connais pas très bien le ressort. Et en plus, là, on parle de coopérative de production, donc c'est un truc assez particulier. La place d'une coopérative de production dans un champ global de production, je ne la vois pas non plus, parce que je comprends bien que de toute façon, il faut des capitaux. Et visiblement, cet argent, cette monnaie, elle est pas, c'est pas la vôtre, c'est la monnaie du capitalisme. Alors, quid, une grosse interrogation quand même, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, la monnaie. Comment ça se fait que vous n'avez pas votre propre monnaie, par exemple? Ou comment le. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je crois que sur le nerf de la guerre. Je pense qu'effectivement, ça va servir. Vous avez parlé de pauvres et de riches, donc il s'agit bien d'essayer d'équilibrer les richesses. Donc il s'agit de ça à la base. Ouais, c'est tout autre chose. Moi, je suis pas pour ça. Quoi, je pense qu'on peut se passer de monnaie. On l'a vécu pendant la guerre d'Espagne. Pendant la Révolution, c'est pas comme ça. Mais je pense qu'on peut se passer de monnaie. Ce qui serait intéressant, c'est concrètement, dites-nous un peu les statuts, comment c'est passé. Juste un petit, par rapport à une anecdote, parce que effectivement, je me suis intéressé sur le bouquin, je suis revenu sur toute l'histoire de la coopération et revenir aux sources. J'étais au Crédit Agricole, comme tout agriculteur, j'étais au Crédit Agricole. J'ai quitté le Crédit Agricole pour me mettre au Crédit Coopératif. Parce que je trouvais quand même que s'il y avait au moins. Si au moins je pouvais faire ça, quoi, une espèce de sincérité par rapport à mes idées, au moins de faire celle-là, quoi. Je sais pas ce que ça vaut, hein, franchement, mais. Enfin, si, je sais que ça vaut un peu mieux, ça je le sais. Mais après, voilà, c'est donc des principes que j'ai fait. ou pas des pratico-pratiques, c'est comme ça. Maintenant, je suis passé devant que j'avoue que je ne sais pas faire. Pour les singes, je ne sais pas faire. Et je crois qu'on ne sait pas faire, et ils ne savaient pas faire non plus à l'époque, et c'est pour ça que les banques, la ICN, c'est important pour moi, les coopératives bancaires ont permis la mise en place des autres coopératives. Au départ. Et quand on parle du pognon, c'est ça le truc du pognon. C'est de se dire, ok, ceux qui en ont, ils ont pu continuer à faire des sociétés, mais ça a été le cas depuis la Révolution française, je veux dire, on a continué à faire des sociétés, et les bourgeois continuaient à faire. Sauf que quand on a compris que quand on se mettait ensemble, on pouvait avoir assez de pognon pour mettre son entreprise et faire roche dalle avec les premiers statuts, c'est ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'on. Je sais pas si je suis trop théorique, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se met en place. Et si je veux mettre aujourd'hui en place une coopérative, c'est seul qui a pas assez de pognon, mais si tu te mets avec moi, avec 10, avec 20, et qu'on veut faire quelque chose ensemble, on pourra le faire. Parce qu'à ce moment-là, on mettra du pognon au crédit coopératif ou au crédit mutuel ou ce que tu veux. À ce moment-là, on ira les voir. Et si on n'est pas content, il faudra monter plus haut parce qu'on peut avoir quand même des appuis. Politiquement, je pense qu'on peut avoir des appuis. Il faut quand même des appuis. Et ça, il ne faut pas perdre tous les charmes. Mais voilà, je sais, peut-être qu'il faudrait préciser la question à ce que. C'est simple, c'est au plan technique, les statuts, au plan technique. Vous avez commencé à donner des grands principes, équité, égalité. Etc. Mais est-ce qu'on peut aller plus. Les mécanismes de rémunération, effectivement. Comment rémunérer les gens, si moi, j'apporte. Si un coopérateur apporte 100 hectares et l'autre 10 hectares, on comprend bien que ça ne va pas le faire. Donc, comment ça se passe Vous voyez ce que je veux dire. C'est une erreur sur le. Non, mais vous avez raison, c'est une question. C'est ça qui est intéressant. Je vais expliquer. On a 5 hectares, on va dire. Passons les hectares parce qu'en fait c'est au plus à la production, donc à la quantité de raisin qu'on va amener, et à la qualité. J'ai parlé de la qualité, vous n'avez pas oublié la qualité. C'est dans l'agriculture, si on oublie la qualité aujourd'hui, c'est peu foireux. C'est ce qui s'est passé pendant quelques temps, mais on a tout rééquilibré. Tu as 5 hectares, tu as 100 tonnes, on va dire, et tu as l'autre à force de 10 tonnes. Bah, c'est simplement, tu as 100 tonnes, tu ne produis pas 100 tonnes tout seul. Tu vas produire 100 tonnes avec des salariés éventuellement, ou avec d'autres associés s'il faut. Ça n'existe pas, j'ai une coopérative d'une exploitation de 5 hectares, ça exige au moins 10 salariés. C'est à peu près 10 hectares par un salarié pour 10 hectares. Un mitige, je parle. C'est très variable, il y en a plus on va augmenter, corps, économie d'échelle, qu'on va repousser partout, etc. Mais c'est ça. Tu avais amené 100 tonnes, l'autre va amener 10 tonnes. Tu seras payé en fonction de la quantité que tu vas apporter et de la qualité que tu vas apporter. Alors tu vas me dire, ça te semble peut-être pas très équitable, mais nous on appelle ça l'équité. Non, et moi j'appelle ça l'équité. Je vois pas la différence en fait avec. Ben, la différence c'est que simplement tu peux pas faire vivre une personne, tu peux pas vivre 10 personnes avec le même salaire ou le même revenu, mais au moins humain, que celui qui est tout seul à travailler. C'est pas imaginable. D'accord. Tu as une exploitation de 5 hectares, une exploitation de 10 hectares. Et à la fin tu voudrais qu'il y ait le même revenu les deux? Je pose la question. Alors, moi, là, je rebondis, la question, c'est le mec. Alors, bon, là, il y a les principes coopératifs pour faire le vin, tout ça, avec les gens. Ah, non, mais c'est vrai, voilà. Et le mec qui a 10 salariés, est-ce qu'il applique les principes coopératifs avec ses salariés? Non. D'abord, on va parler des salariés dans les coopératives. Ouais. Parce que les salariés dans les coopératives, ouais, c'est quelque chose qui crée des débats assez vifs, plus trop maintenant, mais pendant presque un siècle, ça a créé des débats assez vifs. Ce que j'appelais le participationnisme. Mm-hmm. Quelle est la participation des salariés dans le truc? Perso, et depuis que j'ai pris tous les mouvements, je serais assez partant pour dire que les salariés devraient être des coopérateurs, des adhérents comme les autres. Mm-hmm. Sauf qu'ils ne seront pas payés sur les mêmes principes que les autres, parce que eux, ils n'amènent pas de réserve. Hein. Mm-hmm. Moi, en coopérative, les salariés, ils sont 8 heures par jour dans la coopérative. Mm-hmm. Donc, ils n'amènent pas de réserve. Mm-hmm. En revanche, ils sont comme les coopératives de production, comme les coopératives de. Comme les SCOP. Ils vont travailler là-dedans. Et c'est ça que je pense. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait ce principe de participationnisme. Grosso modo, abandonné après la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on a peu entendu parler, ou alors quelques spécialistes, quelques gars qui en ont entendu parler. Ceci étant, la coopérative appartient au coopérateur. La coopérative de Vigneron du Garlaban, par exemple, il y a 250 coopérateurs. Il doit y avoir 10 salariés. Il y a un directeur, une secrétaire, un maître de chez, maître de caviste, machin. Ils connaissent mieux le métier de la vinification. C'est un DNO, hein, c'est pas plus 7 pour être vinificateur, la chimie. Or, quand tu es vigneron, il n'y a pas trop besoin de faire de la chimie, mais par contre, il y a besoin de comprendre la plante. En revanche, il y a beaucoup maintenant d'ingénieurs agro qui sont vignerons coopérateurs. mais t'es une noix à mot, t'es pas biochimiste, quoi. T'es pas des noix. En l'occurrence, c'est pas le même métier. Et ça, quelque part, c'est aussi un avantage de la coopération par rapport à des cas particuliers, mais je mets par rapport à des cas particuliers, où, où finalement chacun est spécialisé dans son métier, mais où on a aussi notre, notre particularité, notre spécificité. En revanche, quand on a décidé qu'on allait faire du rosé plus pâle ou du rosé moins pâle, qu'on a décidé qu'on allait faire une cuvée de rouge, c'est pas le directeur qui va dire, qui décide, hein. C'est le président avec son conseil d'administration et s'il faut l'Assemblée Générale qui va en décider. Alors, vous vous doutez bien que pour la décision de savoir si l'étiquette on la veut bleue ou si on la veut rouge, on ne va pas réunir l'Assemblée Générale pour prendre cette décision-là. Par contre, les jours où on a une décision importante à prendre, à ce moment-là, on va réunir l'Assemblée. Enfin, d'abord, c'est tous les ans, hein, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire, comme toutes les associations, ça fonctionne pareil. À ce moment-là, on décide tout le monde. Il n'y a qu'un truc qui nous fait défaut, et je le reconnais. Et la loi Egalim est en train d'essayer de remettre un peu les choses en place, les états généraux sur l'alimentation, on en a entendu parler. Même si elle ne le met pas forcément comme on voudrait, je pense qu'elle a rappelé qu'il y avait des choses fondamentales, c'est l'information. Vous savez qu'au final, c'est pas tout d'avoir l'égalité, hein, l'essentiel c'est d'avoir l'information. Hein, c'est que ce que j'ai rappelé, le suffrage universel, quand ils ont fait voter les gars, finalement ils votaient là où on leur a dit qu'il fallait voter. Mais c'est pareil dans une assemblée générale, si vous n'êtes pas au courant du sujet et qu'on vous a dit c'est comme ça qu'il faut passer, à moins d'être hyper virulent et vraiment de vouloir à tout prix changer les choses et de se dire non, non, c'est pas comme ça parce que je l'ai réfléchi, parce que je l'ai mûri, parce que j'en ai discuté, parce que j'ai les éléments, parce que j'ai les arguments. À ce moment-là, j'arrive à l'Assemblée Générale et je dis c'est des trucs pas comme ça, moi ça me plaît pas. Et à ce moment-là, on peut retourner toute une Assemblée Générale. C'est déjà arrivé. J'ai vu des Assemblées Générales qui se terminaient pas bien du tout. Qui se terminaient pas du tout d'ailleurs, des fois, il a fallu le reprendre. Mais l'information, si on l'a pas. C'est foireux, quoi. C'est fini. C'est le biais qu'on peut avoir d'une coopérative, c'est de ne pas avoir l'info. Ça, c'est terrible. Et donc, maintenant, on a des obligations d'information. Bon, on en avait déjà, hein, je veux dire, c'est pas nouveau. Mais il se rajoute encore d'autres obligations d'information. Et ça, quand même, ça rajoute, par exemple, le compte résultat, les bilans, doivent être transmis 15 jours avant l'Assemblée Générale, c'était déjà le cas. La possibilité d'accéder à toutes les délibérations, que ce soit l'Assemblée Générale ou le conseil d'administration, enfin, d'avoir toutes les informations. Le seul truc. Moi, je vois hein, dans la coopération viticole, parce que il y a souvent des consommateurs. Et comme dans les associations, vous savez, les associations, c'est pareil. Les gars, ils ne sont jamais informés de savoir comment ça fonctionnait, la structure. Ils se disent, eux, ils viennent là, ils viennent chercher le bouquin, ils repartent. Et en fait, l'Assemblée Générale de Sierra, ils s'en foutent peut-être. Moi, mon association, c'est souvent, mon médiathèque, c'est souvent ça. Mais j'ai été aussi responsable d'autres associations. Et les gars arrivent, ils consomment et puis après ils repartent. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Il y a quelqu'un qui veut fonctionner, il y a des discussions qu'on doit avoir ensemble. Le tout, c'est de s'intéresser aussi à ce qu'on fait, quoi. Et de s'intéresser à son mode coopératif. Monsieur, je le sens bien, est très intéressé pour se dire, quand on participe à quelque chose, il faut s'y intéresser pleinement. J'aimerais que tous les coopérateurs soient aussi curieux que ce qu'on peut être. Mais on pourrait peut-être parler des scopes parce que c'est un cas différent. Enfin, moi, je suis dans une scope, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans des scopes. Et pour moi, la SCOP, c'est aussi la formule du futur, parce que c'est ce qui permettra de remplacer le salariat, qui est pour moi un esclavage aussi. Et être dans une SCOP, c'est être indépendant et être en même temps solidaire. C'est-à-dire qu'on est notre chef, mais on ne travaille pas tout seul, on est avec les autres. Quand il y a des problèmes financiers chez un, parce que moi je suis dans une SCOP, on était 80, là on est 120, et s'il y a des problèmes financiers transitoires chez un, bah, ça se mutualise, et donc on s'aide. Et puis, on n'est pas salarié d'un patron. Pour moi, c'est ça la priorité. Il faut sortir de ça. Parce qu'on est tout le temps à pleurer, à avoir un emploi. Pour moi, c'est l'horreur. En fait, tant qu'on sera là, on n'avancera pas. Et maintenant, il faut être indépendant. Nous, on est salarié, coopérative, mais en même temps, on est notre chef. Et on travaille avec les autres. Et à Toulouse, c'était très, très bien préparé. Parce qu'avant chaque AG, on recevait des documents et on avait des premières réunions pour préparer en petits groupes. Donc, quand on arrivait à l'AG, on savait vraiment de quoi on allait parler, sur quoi on allait voter. Bon, à Marseille, ça a l'air. Enfin, je suis plus récente à Marseille, ça a l'air un peu moins bien. C'est une scope de mec. À tout non, c'est une scope de femme. C'est une scope qui fait quoi de tout. Alors, c'est des scopes qui unissent tous les métiers possibles et imaginables. Enfin, ici, il y a une grosse branche bâtiment, mais. Pour moi, c'est ça l'intérêt. C'est un peu l'expérience catalane de la coopérative intégrale. La coopérative quoi ? De la coopérative intégrale à Catalogne. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je sais que c'est de ça qui parle. Elle est intéressante, celle-là aussi. À Attention à un truc, parce que moi j'avais l'idée de se dire, enfin, totalement partant bien entendu, se dire, je pense que le travail, il faudrait beaucoup moins travailler déjà, ça serait bien, quand on a plus de passion, moins de travail, mais je veux dire, ça rapproche le modèle auto-entreprise. Je ne sais pas si vous voyez venir, mais... Non. Si, parce que si, c'est ça, le principe c'est quand même de travailler, on forge notre travail, d'accord ? Tout ça, là, il y a de la solidarité. Il y a de la solidarité, ça part quand même, le statut de salarié. Mais ça, je tiens bien à le préciser, parce que sinon... Je suis sorti de l'entrepreneur, justement, parce que voilà, c'est nul comme truc. C'est exactement ça, quoi. C'est exactement que vous faites attention, parce que vous pouvez imaginer qu'en fait, la coopérative, c'est une espèce d'auto-entreprise où on est tous ensemble. Mais non, c'est pas ça, quoi. C'est pas le fait qu'on met plusieurs auto-entrepreneurs ensemble. C'est on crée quelque chose ensemble et on est entrepreneur tous ensemble et non pas chacun amène son sa petite entité. On est autonome et on est en même temps avec les autres. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est ça l'avenir. Autonome et solidaire. Parce qu'on croit aujourd'hui que l'autre entreprise, c'est l'avenir. Mais moi, je parle. C'est pas créer son truc aussi. Ça permet aussi de créer son truc et pas d'être là à implorer un boulot. Pour avoir pratiqué les scopes plusieurs fois. Mais. Ça, c'est très récent, comme dans le mouvement coopératif, ce mode d'organisation. Avant, une coopérative, c'était des gens qui se mettaient ensemble, qui avaient peu de moyens ou qui avaient plus de moyens, et c'était ce qui a été dit, celui qui a mené tant et celui qui a mené tant, ils avaient la même voix lors de la délibération. Ça, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Sauf que ça, c'est le côté... beau côté de la coopérative, mais nous on a vu beaucoup de coopératives où il y avait des coopérateurs et des non-coopérateurs. C'est-à-dire il y en avait qui travaillaient mais qui n'étaient pas associés alors qu'ils étaient dans une coopérative et qui n'étaient pas associés à la gestion de la coopérative. Ça c'est une chose. La limite de la coopérative, c'est le système capitaliste. C'est-à-dire comment faire une coopérative dans un système capitaliste. C'est-à-dire et comment monter un mouvement coopératif dans un système capitaliste. Et comment... C'est la grande contradiction, elle est là. Vraiment, le mouvement coopératif, il pourra s'épanouir que quand le système capitaliste aura disparu. Parce que moi, je connais des coopératives qui travaillent sur l'accumulation. Ils accumulent comme de n'importe quelle boîte capitaliste. Donc, et dedans, à l'intérieur, il n'y a pas que des coopérateurs. Après, c'est vrai que le mouvement coopératif était très très chouette parce que nous, on a monté des coopératives. On n'avait pas beaucoup d'argent, on avait beaucoup d'énergie. Par contre, on a été aidés, c'est vrai. D'autres coopératives, la fédération des coopératives, des banques qui nous ont fait coopératives, le crédit coopératif, comme ça a été. C'est vrai qu'il y a une tradition d'entraide qui est importante. Et ça, c'est quelque chose qui est formateur d'un point de vue pédagogique. Cette entraide, cette confiance dans ce qui n'est pas la norme par rapport au système. Mais il y a des limites. Après, je pense que dans ce qui se passe dans les caves coopératives, c'est différent que dans la production. C'est un peu différent. Et ce qui se passe, toi, dans la coopérative où tu es maintenant... C'est différent dans les coopératives, dans le statut d'après-guerre et tout, dans lequel... voilà. Et après, ça dépend des secteurs aussi. Nous, on était dans un secteur édition-imprimerie, où le secteur était très fort, très développé, donc il y avait beaucoup d'entraide, il y avait des coopératives très, très, très solides, qui avaient été formées au début du XXe siècle, et tout. Et il y avait cette tradition du mouvement ouvrier, du mouvement anarcho-syndicaliste, de l'entraide, et qui a permis de développer tout ce réseau-là. Actuellement, c'est vrai que le mouvement coopératif se développe, mais le danger peut-être que, déjà, bon, choisir ce statut sans en comprendre l'histoire et sans comprendre que ce n'est qu'une étape, quoi, voilà, C'est ce qu'il disait, qu'on peut pas espérer dans une coopérative que tout le monde soit passionné par le but. Il y en a pour qui c'est un moyen. Mais en même temps, si on ne commence pas à changer quelque chose, on ne va pas attendre la révolution pour changer le monde. Il faut commencer quelque chose maintenant. Enfin, je le vois comme ça. Mais c'est ce que disait Marc. C'est ce que disait Marc. C'est la première étape, oui, vers le changement. En tout cas, c'est comme ça que le voit lui, que le voyait Marc. Le capitalisme, on ne fait rien. Oui, mais... Attends, il rebondit, puis non, tu rebondiras après. Non, j'ai rien de plus à rajouter. Je comprends après que le système. Enfin, je veux dire, ça ne remet pas en cause le système capitaliste, je l'ai déjà dit, c'est simplement, ça le remet en cause par exemple. C'est tout. Et je comprends que ça ne soit pas suffisant, et en particulier ici, j'imagine que ça ne doit pas satisfaire. Mais je pense que c'est déjà mieux que ce qui existe par ailleurs. Et quelque part, c'est une espèce de. Oui, c'est peut-être une marche. Mais si c'est une marche, c'est une belle marche en tout cas. Et il faut la saisir. Oui. Si je peux revenir, parce qu'à un moment donné, tu as parlé de Lénine et des coopératives, le mouvement coopératif en Russie. Je veux dire, en Espagne, c'est quand il y a eu la révolution espagnole en 1936, ils n'ont pas fait cette erreur-là. En Aragon, quand ils ont fait les collectivisations, ils ont laissé le libre choix de rentrer ou pas. Dans la collectivisation. Le mouvement libertaire n'a pas fait cette. C'est pour ça que quand je parle de capitalisme, je parle aussi bien de capitalisme privé que de capitalisme d'État. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en Russie, c'est qu'ils ont essayé de mettre un capitalisme d'État qui était. Voilà. Tandis qu'en Espagne, c'est la tentative a été brève parce qu'ils avaient beaucoup d'ennemis et pas qu'à droite ou à l'extrême droite. Ils ont quand même. Laisser ce choix aux gens de s'ils ne voulaient pas rentrer dans la coopérative ou dans la collectivisation, mais ce qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils capitalisent, c'est-à-dire que d'accord, ils restent pour eux, pour leur famille, tout ça et tout, mais ils ne voulaient pas qu'ils développent des trucs comme une entreprise capitaliste. Et je pense qu'ils avaient réfléchi à ce qui s'était passé en Russie. Je ne pense pas qu'ils avaient réfléchi à ce qui s'était passé en Russie, simplement ils étaient anarchistes alors que les autres étaient communistes. Et que c'est d'ailleurs un des problèmes de la fédération anarchiste, un des problèmes du communisme, et c'est pour ça qu'il y a eu en 1936 la semaine sanglante où entre les communistes et les anarchistes à Barcelone ils se sont tirés dessus. C'est parce que ça va, moi je trouve très connement, je le rajoute avec l'interne qui va bien, mais je pense que c'était une erreur et qu'on a. Alors je dis pas, excuse-moi. Mais je pense qu'on a perdu la guerre contre Franco à cause de ça, à cause de cette bataille entre les anarchistes et les communistes. Sauf que à l'époque justement la force de l'anarchisme, le collectivisme et cette parce qu'on parle de la guerre d'Espagne comme une guerre romantique. Je ne sais pas ce que ça veut dire une guerre romantique. Ça n'existe pas une guerre romantique. Une guerre assez hostile. Par contre, les 7 mois qui ont suivi le juillet 36, oui, pour le coup, ils ont été romantiques. Dans les endroits qui l'ont vécu, comme la Catalogne, comme les pays du Levant, comme l'Aragon, qui ont vécu cette période-là où il y a eu le collectivisme, où on a pour la première fois, peut-être la seule fois à travers le monde. Alors, je pense au Chiapas, peut-être au Mexique, là, mais sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples. Pour moi, il n'y a que cet exemple-là, à travers l'histoire et à travers la géographie, qui permet de dire que pendant 6 mois, certains ont vécu des régions entières, ont vécu ce qu'on peut rêver le plus, quoi, c'est-à-dire vraiment de la solidarité exacerbée à son paroxysme. Et je pense que ça ne s'est pas vécu ailleurs, ça ne s'est pas revécu ailleurs depuis 36, depuis cette période de collectivisme qui est passée entre juillet et grosso modo février 37, où après ça a commencé à déconner grave. Mais à partir du moment où déjà les femmes ont été exclues de l'armée, enfin bon, après ça arrive assez rapidement, je veux dire, s'il fallait prendre les choses par ordre pour savoir comment est-ce que... On dit parenthèse, mais plutôt collectivisation que collectivisme. Ouais. Collectivisme, ça fait penser un peu à ce qui s'est passé en URSS. Tu as raison. Mais, oui, alors là, j'avais une question précise à poser. Tu as dit qu'il existait un système coopératif en Espagne avant 1936 et qui était plutôt lié au christianisme social. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a un christianisme social en Espagne, parce que, enfin, à part au Pays Basque où c'était assez social, d'ailleurs, je n'ai pas trop entendu dire que c'était très progressiste au clergé. Mais comment s'est passée l'intégration de ces coopératives préexistantes avec le raz de marée de l'UGT et de la CNT qui collectivisaient tout? Elles sont restées en place ou elles sont... Honnêtement, je ne le sais pas. Ouais. Et ce que, si j'avais, on va dire, échafaudé une hypothèse, je pense qu'elles ont disparu. Ouais. Je pense que pendant la collectivisation, elles ont disparu, mais c'est logique. On va dire que c'était justement l'étape supérieure, quoi. On a monté la marche au-dessus. Et la marche au-dessus, finalement, tout le monde en voulait, sauf qu'on ne pouvait pas faire autrement que faire ça. Et donc, du coup, elles ont disparu. Si elles étaient cathos, elles ont disparu parce qu'elles étaient cathos. Ok. Ça, c'était le côté radical, quand même. Ici, elles étaient, on va dire, sociales, mais que tout le monde les acceptait, elles n'ont pas survécu au collectivisme, elles ont été collectivisées. Enfin, tout à fait, je le verrai comme ça, mais je, voilà, je n'ai pas de document écrit là-dessus. Bon, après, pour revenir au livre, après un autre sujet, ce qui est intéressant, bon, on connaît un peu encore, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ne savent rien sur la retirada, et toi, tu évoques, bon, donc c'est 500 000 personnes qui ont passé la frontière. Des Pyrénées très mal accueillies en France, les camps Argelès, tout ça, et ce qui s'est passé à Alicante est beaucoup moins connu parce qu'ils étaient dans un cul-de-sac, et là, on ne pouvait pas passer la frontière. Merci. Et donc, il y a eu énormément, je crois que tu l'évoques aussi, parce que je l'ai lu en développant ton livre, tu évoques qu'il y a eu beaucoup de suicides, les gens ne voulaient pas tomber aux mains de Franco, donc il y a eu un nombre de suicides insensés dans le port d'Alicante, et il y a quelques bateaux, quelques personnes qui ont réussi à partir en bateau, et ceux qui n'étaient pas suicidés sont retrouvés dans des camps. Franquiste, moi j'ai eu un ami là qui avait à l'époque 16 ans, je crois, et qui s'est retrouvé dans un. Qui n'a pas été exécuté parce qu'avec les mineurs, il les exécutait un peu moins, mais il a fait le camp, et après il a été enrôlé de force dans l'armée, il est parti en Guinée. Non, mais dans un cas français, tu parles. Non, je parle de. Est-ce que c'est parce qu'il y a du dans le Levant. Et c'est dans un camp franquiste Il était dans un camp franquiste, et après. Non, et après il a été enrôlé de force dans l'armée franquiste, et il a été envoyé dans une colonie qui s'appelait. C'est la Guinée équatoriale maintenant, ouais. Et donc travaux forcés, après il est revenu, alors lui il était de Sagonte, c'est un peu au nord de Valence, hein, c'était... et il a réussi, bon il était dans la clandestinité, et il a réussi à passer la frontière en 49. Mais il a vécu, ils étaient complètement encerclés là, et ça devait être l'horreur, parce que la frontière française elle a été fermée un peu, mais après tout le monde a pu quand même échapper aux troupes franquistes, alors que là c'était terrible là, d'être encerclé comme ça, la mer d'un côté, les franquistes de l'autre. C'est un truc de fou parce que ça, ouais. Qu'on parle de la retirade, c'est normal parce que ça nous a, pour les Français, ça a une grosse répercussion. D'abord, c'était 500 000 personnes, c'est pas grave. On sait ce qui s'est passé, puis ça a été le premier camp de concentration. Ouais. Il y avait une chose pour laquelle. J'ai intervenu il y a peu, vous savez que c'est les 80 ans de la retirade, ouais, cette année. D'ailleurs, donc, parenthèse, on va éditer un témoignage sur la retirade. Tirada d'ici quelques semaines. Et donc, quelques jours. Moi, je suis en contact avec la ZRF, donc l'association des. Des fils et filles d'exilés. D'exilés. J'ai été interviewé il y a quelques semaines de ça, dans un village qui faisait justement. On faisait un témoignage, en fait. De ça, il y avait des témoins. Donc, moi, j'ai parlé de la famille parce que mon grand-père est espagnol, mais il n'est pas arrivé avec la retirada, il est arrivé avant. Mm-hmm. Voilà, pour une raison. Il y avait plein de gens qui. Oui, voilà. Et aussi, qu'est-ce que c'est justement cet exemple-là, quoi. Est-ce que c'est un réfugié politique? Est-ce que c'est un réfugié économique? Est-ce que l'un vaut mieux par rapport à l'autre? Je sais bien que vous avez largement étudié cette problématique ici, au CIRA. Je sais pas, il y avait une question ou c'était... Non, c'était juste pour donner envie de lire le bouquin. Pour revenir aux coopératives viticoles que vous connaissez bien, quand il y a un coopérateur, par exemple, pour revenir à l'histoire d'entraide qui a été évoquée, un coopérateur, par exemple, qui perd une bonne partie de sa récolte pour une raison ou pour une autre, qui n'a pas de vol, est-ce qu'il y a l'entraide de la part des autres qui ont eu plus de chance? Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Oui, ça existe. On a quand même des assurances, comme beaucoup. Il y a quand même des assurances, qu'ils soient des assurances privées ou que ce soit des assurances d'État. Généralement, quand on a ce genre de calamité, qu'est-ce que ça veut dire l'entraide, effectivement, la solidarité, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, d'où l'idée de ma réflexion, de dire, est-ce qu'on a compris ce que tous les coopérateurs ont compris, ce que ça voulait dire être coopérateur, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative et comment ça fonctionne. Je suis pas sûr que vous mettiez les 1200 coopérateurs viticoles, les 1200 millions coopérateurs, mais ici à ma place, vous pourriez raconter la même chose que ce que j'ai raconté. Je pense que vous comprenez tout le principe. Donc oui, ça arrive. Moi, par exemple, quand Narbonne était sous les eaux, Carcassonne, ils ont été sous les eaux. On a créé des brigades, si vous voulez, et on est monté aider les coopérateurs carcassonnés. Donc j'y suis allé pas une paire de fois, j'y suis allé deux jours. pas les connais, je suis pas non plus, il n'est pas passé 3 mois, mais j'ai pu aller avec d'autres coopérateurs aider les millions coopérateurs de Normandie. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, tous n'ont pas le même esprit, et que s'il arrivait un problème à un coopérateur, je pense que de toute façon, on essaierait de l'entraîner parce que, autant parce qu'il est du village que parce qu'il est coopérateur. Je pense qu'on ferait pareil avec un particulier s'il arrive un problème avec un particulier. Il n'y a pas. J'espère d'ailleurs qu'on le ferait. J'espère qu'on le ferait. J'espère au fond de moi que notre empathie ne s'arrête pas uniquement parce qu'on a choisi un modèle plutôt qu'un autre. Maintenant, ça c'est personnel et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour tout le monde et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée, peu importe. Mais oui, je pense qu'on l'aiderait. Mais d'abord, on essaierait de mettre en place ce qui existe de façon classique chez tout le monde dans le système, un bon système capitaliste qu'on connaît. D'autres questions ou on continue autour d'un verre de vin? Donc, ben, merci Olivier de ta venue. Finalement, c'est un retour parce que tu as travaillé ici, de venir nous présenter les résultats de ton travail. Donc, je vous engage, il y a 3 ou 4 exemplaires du livre qui nous concerne plus particulièrement et 3 exemplaires du thriller historique sur le vin à Marseille. C'est un thriller historique, c'est vraiment un roman, mais en fait, là, pour que je travaille avec toi, le professeur en collège de France, spécialisé à l'histoire. Merci à toi. Cette invitation.